très lumineux. 10 degrés attendus à Lens, aujourd'hui 12 à Auxerre. On aura 15 degrés à Quimper, 19 pour les maxi à Albi. Et bonne nouvelle, le soleil l'emportera largement pour demain. Et dans l'actu ce matin, faut-il s'attendre à une véritable marée jaune? J-1 avant la mobilisation annoncée des gilets jaunes opposés à la flambée des prix de l'essence. Un mouvement largement soutenu par 2 Français sur 3 selon un sondage. Selon le dernier recensement, près de 1500 actions sont prévues partout en France demain avec des blocages de routes, de ronds-points et des appels au boycott dans les supermarchés. On craint aussi des débordements. Plusieurs organisateurs se sont même retirés par peur de poursuites pénales. 30 minutes, 1 heure ou 2 heures de retard, ça vous est forcément arrivé si vous prenez régulièrement le train. Hier, les députés européens ont voté une loi pour mieux indemniser les voyageurs en cas de pépins sur les rails. Le texte veut imposer un remboursement de la moitié du billet des 60 minutes de retard. Ça pourrait même monter jusqu'à 75% au-delà de 2 heures. Le dossier devait être bouclé initialement avant la fin de l'année, mais finalement, il va falloir patienter encore jusqu'au printemps pour parler de procréation médicalement assistée à l'Assemblée. Le gouvernement a décidé de reporter l'examen du projet de loi qui doit ouvrir la PMA à toutes les femmes et plus seulement aux couples hétérosexuels. Les jours passent, le bilan s'aggrave aux États-Unis. Près de 600 personnes sont désormais portées disparues en Californie où les incendies ne sont toujours pas maîtrisés. Le nombre de morts a aussi été revu à la hausse cette nuit avec désormais 63 morts. 5000 pompiers sont toujours mobilisés sur place 24 heures sur 24. Du foot avec la victoire dans le viseur des Bleus. Ce soir, l'équipe de France se déplace à Rotterdam pour affronter les Pays-Bas en Ligue des Nations. Un match capital pour s'assurer la première place du groupe et passer au tour suivant. On s'attend malgré tout à une équipe assez remaniée après de nombreuses blessures. Nzonzi, Kimpembe et Dean devraient être titulaires au coup d'envoi. Pikachu ou Evoli, c'est à vous de choisir. Les Pokémon s'offrent un comeback événement sur Nintendo Switch aujourd'hui. Let's Go, c'est le nom de la nouvelle version du jeu qui s'inspire largement de Pokémon Go avec un univers en 3D. Principale nouveauté, une manette en forme de Pokéball est vendue pour attraper les petites bêtes, idéale pour se glisser dans la peau d'un véritable dresseur. Et puis ils sont entrés dans la légende avec leur show démentiel. Les Britanniques de Muse vont faire honneur à leur réputation avec une nouvelle tournée mondiale prévue l'année prochaine. Ils passeront par Marseille, Bordeaux et par le Stade de France au mois de juillet avec énergie. La billetterie ouvre ce matin à 10h. Sur scène, Mathieu Bellamy et ses potes présenteront Simulation Theory, leur 8e album sorti la semaine dernière. Voilà pour vos infos. Bon réveil sur énergie. Bonjour Paulette. À fond. Bonjour Glandu. Grand sourire. Bonjour Nico. Hola chicas. Bonjour papa. C'est moi, je suis le papa. Et bonjour tout le monde. Ça commence. Et 3 minutes, nous sommes de retour pour cette nouvelle journée. C'est le 16 novembre. Bonjour vendredi. Bonjour vendredi. C'est le week-end, les amis. Et quel beau week-end qui va démarrer. Ah ouais, oui. Demain, personne sur la route. Oui. Ah ben, moi je fais le stock de vivres chez moi. Hein. Ah ouais. Je considère que là, c'est comme, vous savez, comme on nous annonce des pénuries. Ouais. Là, je vais stocker du sucre, je vais stocker de la farine, je vais stocker de l'essence. Ouais. Je vais stocker tout ce que je peux parce que demain, c'est les gilets jaunes, ça va bloquer tout le temps. Ah, et imaginez, clair. Les gilets jaunes, ils se disent, c'est cool, on continue pendant un mois. Et je serais bien content d'avoir des lentilles chez moi. Ah, pas mal, ça. T'as raison. Ah, là, on n'est jamais trop prudent. C'est vrai. Je vais faire les courses tout à l'heure. Sur ce, soyez les bienvenus. On va s'écouter DJ Snack dans 2 minutes. Tu auras aussi Big Flo et Oli. Les concours du jour. Pour se dire qu'il y a toujours pire que nous dans le monde, même s'il faut parfois chercher loin. Et bien il y a toujours des gens improbables qui font des choses improbables dans le monde. On vous raconte leurs histoires dans moins de 10 minutes. Avant ça, qu'avez-vous envie de partager avec nous pour démarrer la journée, Isabelle? Ma vie va changer. Oh, ah. Oh. Ah ouais, tu vas te séparer. Non Manu, pas du tout. En fait, tu vas me porter la poisse. Non, pas du tout. Je vais devoir porter des lunettes pour lire de près. Oh ouais. Ah voilà. Ça y est, tu deviens vieille. Non, alors justement, je voulais votre avis. Est-ce que ça veut dire que je vais avoir l'air vieille ou alors plus sexy? Alors, il y a 2 choses. Tu deviens vieille et il faut l'accepter parce que moi aussi, j'ai ça. Ouais. Je mets des lunettes. Hein. Avant, je voyais pas de loin et un jour, j'ai commencé à plus voir très bien de près. Ouais. Mmh. Et l'ophtalmo, il m'a tapé sur la tête comme ça, il m'a dit l'âge, hein. Ah non, c'est horrible, c'est pas gentil. Je lui ai tapé sur l'épaule, je lui ai dit je te paye pas pour me dire ça. Hein. Donc, elle m'a pas dit ça, par contre. Ah Ah bon, t'as dit quoi? Plus détente. Elle me dit, oh bah là, c'est le petit muscle qui marche moins bien. Oui, bah, ça s'appelle la vieillesse. Hein, c'est ça. Quand les petits muscles marchent moins bien et que tu commences à te faire pipi dessus, c'est la vieillesse. Ah bah c'est le petit muscle qui marche moins bien. Hein. C'est pareil aussi pour le sexe, hein, le petit muscle qui marche moins bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te dit, le petit muscle marche moins bien, c'est que là, ça commence à déconner. Donc j'ai ma réponse, en fait, ça sera pas plus sexy, c'est ça? Ça dépend comment tu portes tes lunettes, quelles lunettes tu mets. Bah alors, vous me donnerez votre avis, je sais pas encore. Ah bah tu choisis ce qui te va. Ne fais pas l'erreur de les mettre sur le bout du nez, il y en a qui font ça, le mettent sur le bout du nez, tu sais, mais juste pour lire. Ah ouais, attends, ça fait vieux. En revanche, ce qui est vraiment sexy, c'est le petit cordon. Ok, je vais suivre tes conseils. Ah oui, alors vraiment, tu veux être sexy, mets le petit cordon. Alors là, vraiment, il y a vraiment avec grand plaisir. On est là pour t'aider. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies, Nico? Bon, il fait froid dehors et la saison est officiellement ouverte, les gars. La saison de quoi? La saison des femmes qui posent leurs pieds sur toi la nuit, leurs pieds froids, alors que tu en as demandé. J'en peux plus. Ah, mais ça, moi, je te l'ai dit, je me suis séparé cet été en prévision. Putain, mais j'ai pensé à toi hier soir, je me suis dit, putain, Manu, il a quand même de la chance. Parce qu'il a pas ce truc-là, tu vois, il l'a pas. Putain, c'est chiant, quoi. Qu'est-ce que je te dis, moi, voilà, t'as qu'à garder les chaussettes. Mais c'est pas vrai, c'est ma femme, hein. Elle garde des chaussettes, c'est le problème. Ou toi, tu mets des collants. Tu n'en pas ses pieds froids. Ouais. Ou alors tu mets un mur entre elle et toi. Ouais, j'ai peut-être opté pour ça finalement. Bah voilà, enfin moi si je peux aider. Hein. Ou alors juste vous faites un câlin, t'en profites, ça commence par les petits pieds glacés, tu les réchauffes et hop hop hop. Ah oui, non. Alors je t'assure que tout ce qui est glacé pour le câlin, c'est pas bon. Hein. Ah oui, non. Moi j'ai été 2-3 fois à la piscine, quand je ressors, je peux dire que ça fonctionne. Le petit muscle. Ouais. Tout ce qui est froid, c'est merdique. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies, Paulette? Moi j'ai besoin de me confesser. J'ai fait une grosse bêtise. Oh, mais ça fait quelques années, tu sais. L'émission va être chouette aujourd'hui. Vas-y, on démarre maintenant. J'espère qu'on aura le temps de terminer pour 9h30. Non, j'ai cassé la porte au rayon surgelé hier en la refermant trop fort. Alors attends, on se regroupe. La porte au rayon surgelé, la porte des frigos, tu veux dire. Ouais, la porte du frigo, en fait, je l'ai fermée super fort et je l'ai cassée. Elle a vraiment sauté et le bout s'est cassé. Mais non. Et j'ai rien dit. Je suis partie vraiment l'air de rien. Ah, il n'y avait pas de témoin? Il n'y avait pas de témoin. Non, ils ont des caméras de sécurité. Peut-être, oui, mais ils m'ont rien dit. Ils étaient tous en caisse et je suis partie l'air de rien et depuis hier, je suis pas bien du tout. C'est pas bien. Alors si ça se trouve, les gars, ils t'attendent déjà. C'est-à-dire que tu vas retourner faire des courses et ils vont t'afficher devant tout le monde, les mecs de sécurité. Et en plus, c'est pas bien. Il faut aller leur dire pardon. Hein. Ah, ouais, soit je fais plus de courses, soit je vais me dénoncer. Ah, bah non, non, il faut se dénoncer. Et non, tu vas pas. Les deux, alors. Parce qu'une fois que tu vas te dénoncer, ils vont te dire, venez plus. Hein. Ils donneront même des bons d'achat pour les autres magasins. Donc, Non, je vais y aller. Bah oui, tu vas y aller. Ouais, je vais y aller. Je vais bien me reposer ce soir et demain, j'y vais. Mais non, vas-y aujourd'hui, Paulette. Ah, aujourd'hui? Oui, c'est mieux. J'ai peur. Ouais, tu leur dis tes clients fidèles. Je pense que ça passera, ça. Ouais. Tu dis qu'il vient souvent. Ouais, bien sûr, mais quand on est client fidèle, c'est bien connu, on a le droit de tout casser. Non, mais qu'est-ce qu'il fait avec sa masse, là, à taper tous les trucs? Ah, mais c'est un client fidèle. Ah, bon, allez, 6h07, DJ Snake et Selena Gomez sur NRJ. On est vendredi, c'est le 16 novembre, on démarre la journée ensemble et dans 3 minutes, il y a pire que nous. Peut-être pas que Paulette, mais il y a pire que nous. C'est les concours du jour. Báilame como si fuera l'última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bébé. Taki taki, taki taki rumba. Aquí. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anunnaki. No le va el va. Oh, oh, oh, oh. I am music, I flows. Bye. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Hey, he say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wizard boy. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje venticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on the move, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie gets on. Dáleme como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Bienvenue sur Énergie, il est 6h10, on va s'écouter Big Flo et Oli. Ils sortent un nouvel album, je crois, c'est la semaine prochaine. Ouais. Le 23, ouais, ça arrive très vite. Ouais. Avant de les écouter, voici, et on va se faire du bien. Des gens improbables qui font des choses improbables, ça s'appelle les concours du jour. Oui. Ah. Écoutez bien, on démarre en Vendée. Un homme est averti par la gendarmerie. Il est prié d'arrêter immédiatement d'envoyer des SMS insultants à son ex. Ah bah oui. Oh, ouais. Eh oui. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il les envoie à la mère de son ex. Non, d'accord, non, c'est pas possible. Du coup, la gendarmerie revient vers lui en lui disant, il faut aussi arrêter d'envoyer des SMS insultants à la mère de votre ex. Ouais. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Non. Il a envoyé des SMS insultants aux gendarmes. Et là, il a été arrêté. Ouais, oui. Retirez-lui son portable. C'est-à-dire que on connaissait les haters, mais alors là. Ouais. Au Japon, le ministre de la cybersécurité fait le buzz là-bas. Pour plusieurs raisons. La première, il ne sait pas comment on met une clé USB sur un ordinateur. Non. Je rappelle qu'il est ministre de la cybersécurité. Ouais. Et la deuxième, c'est qu'il a de toute façon avoué qu'il n'avait jamais utilisé d'ordinateur de sa vie et qu'il avait des assistants qui s'en occupaient. Incroyable. Ministre de la cybersécurité. Ouais, incroyable. Alors, il risque sa place quand même hein, pour des révélations peut-être un peu trop honnêtes. Oui. Ouais. C'est qu'après, la prochaine étape, c'est le ministre des Transports qui avoue que de toute façon, il est piéton et qu'il s'en fout. Dernier concours du jour, ça se passe à Nancy. Un homme braque une banque à visage découvert et avec un pistolet en plastique. Donc ouais. Évidemment, le banquier refuse sa demande. Hein. Ouais, donc ouais. Il part. Sauf qu'ensuite, il va dans 3 autres banques où il fait exactement la même chose, où il a droit chaque fois évidemment à des refus. Bah, ouais. La police finit par l'arrêter dans la dernière banque et au tribunal, il a dit cette phrase magique. Pardon, je suis le pire braqueur de la planète. Oh non. Concombre et lucide. Ouais, c'est ça. 6h12, on vient tout de suite. On va s'écouter Big Flo et Oli. Et attention, les amis, nous avons besoin de vous. Si vous êtes une femme, ouais. Vous pouvez nous appeler maintenant au 0870 42 48 pour un moment qu'on fait de temps en temps dans l'émission et que j'avoue. J'adore. Ouais. Ça se sent quand tu en parles, tu sais. 50 nuances degrés, le principe est très simple. Vous nous appelez, et avec Isabelle et Paulette, c'est votre moment à vous, mm-hmm. où vous vous posez les questions entre vous et vous y répondez. Ouais. Alors là, on peut se dire, oui, mais de quoi elles vont parler ? De sexe. Restez là, à tout de suite. Manu, dans 6-9. C'est vendredi, youpi, youpi. Sur Énergie. Énergie. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like. Yeah.

top. Là, c'est l'effet que cela fait d'estimer la valeur de votre voiture très facilement, rapidement et gratuitement sur Renault.fr, quelle que soit sa marque. Waouh ! Et là, c'est quand vous apprenez qu'en plus, Renault vous offre jusqu'à 5500 euros en plus de la valeur de reprise de votre véhicule pour l'achat d'un véhicule neuf. Jusqu'à 5500 euros en plus de la valeur de reprise pour l'achat d'un Renault Espace Neuf du 1er novembre au 31 décembre 2018, estimation finalisée en concession. Offre non cumulable réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Damien Danguin adorerait se doter de la fibre pour Noël, pour que sa douce, ses deux ados et lui puissent surfer en même temps sans se disputer. Mais Damien se dit qu'avant qu'on ne la lui installe, il est évident qu'il se retrouvera sans aucun débit. Eh bien Damien, détrompez-vous. Chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet dès l'abonnement et même en cas de coupure grâce à une clé 4G. Profitez-en dès maintenant avec nos offres fibres à prix Noël. Appelez gratuitement le 3106. Engagement 1 an, offre soumise à condition hors offre spéciale, éligibilité et couverture 4G sur bouyguestelecom.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Dans 10 minutes, les sondages du matin sont le retour et on va s'écouter The Prince Kama. Little bitches. Little bitches. Ça arrive pour vous juste après les infos. Toute l'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. La France coupée en deux ce matin avec beaucoup de soleil au sud, mais une épaisse couche de brouillard sur la moitié nord. Ça va finir par se décanter cet après-midi. La grisaille persistera de la Normandie à l'Île-de-France et tout au long de la Loire. 12 degrés attendus à Dijon aujourd'hui. On aura 15 à Brest, 19 à Toulouse, 20 degrés à Toulon. Et ce week-end, le soleil va largement s'imposer. Et dans l'actu ce matin, la France à la veille d'un blocage total. C'est en tout cas ce qu'espèrent les gilets jaunes mobilisés demain dans tout le pays. Selon le dernier recensement, près de 1500 actions sont prévues dans toutes les régions. Et on peut s'attendre à des routes entièrement bloquées. Un appel au boycott est également lancé dans les supermarchés. 2 Français sur 3 soutiennent le mouvement selon un sondage. Des routes plus sûres ou des comportements moins dangereux au volant. Dans tous les cas, la mortalité a encore reculé au mois d'octobre. Au moins 14% de décès en l'espace d'un an, même si les chiffres restent évidemment dramatiques. 275 personnes ont perdu la vie, principalement des piétons ou des motards. Le PSG a tenté de minimiser l'affaire. Les révélations continuent dans le scandale des fiches ethniques utilisées pour classer les jeunes footballeurs selon leurs origines. Le club parle d'une initiative personnelle qui n'a duré que 5 ans jusqu'au printemps dernier. Dans son édition d'hier, le journal L'Équipe précise que ce système était en fait en place depuis 2002 sous la forme d'un logiciel et qu'il concernait en réalité tous les recruteurs d'Île-de-France. Du foot toujours, mais sur les terrains, cette fois, Pays-Bas-France, c'est l'affiche de la nouvelle journée de Ligue des Nations. Ce soir, pour les Bleus, l'équipe de France se déplace à Rotterdam pour peut-être s'assurer la première place du groupe et passer au tour suivant. Et puis, il y a rendez-vous au rugby également aussi pour le 15 de France. Demain, les Bleus affrontent l'Argentine après leur défaite sur le fil contre l'Afrique du Sud il y a quelques jours. Qu'on envoie à 21h donc demain au stade Pierre-Mauroy à Lille. Une petite surprise ce matin, Orelsan vient de dévoiler 11 nouveaux titres pour la réédition de son album La Fête est finie. Un joli cadeau pour ses fans qui l'ont accompagné toute l'année sur une tournée triomphale. Pour lui, le bilan est ultra positif. Déjà, ça a commencé par la sortie du clip Basique il y a pile un an. Je ne m'attendais pas du tout à un aussi gros succès. Quand le son est sorti, ça a vraiment pris avec le clip, avec tout ça. Et puis, ça a été, l'album a super bien marché, limite deux fois plus que le meilleur truc que je m'attendais. Et puis, j'ai passé toute l'année à tourner, toute l'année à faire de la musique, à faire des clips sur l'album. Et donc, je crois que c'était la meilleure année de ma life, je crois. Voilà une interview d'Evan Jorsen. La réédition de l'album d'Orelsan est dispo depuis cette nuit. Le rappeur est en tournée pendant encore 3 semaines et il passera notamment à Paris les 5 et 6 décembre prochains du côté de l'Accor Hotel Arena. Voilà pour vos infos. Bon réveil sur NRJ avec Manu dans le 6-9. Comme chaque jour, et attention, les sondages du matin arrivent dans 5 minutes juste après The Prince Karma. Combien ? Pour 16% des femmes, si un homme n'a pas une belle, elle ne donnera pas suite à un premier rendez-vous. Oh là, ah ouais. Ah, oula. Mais que se cache-t-il derrière le Pour 16% des femmes, la pression sur nous. La réponse à la question, c'est dans 5 minutes dans les sondages du matin. Avant ça, je pense qu'on tient un très bon sujet. Ah oui. Qui pourrait, parce que je pense qu'on a tous des histoires là-dessus, qui pourrait nous faire 1000 ans. Glandu va vous raconter un truc qu'il a fait. Et en fait, le sujet qui va découler de ça est très simple, c'est tu vas le faire. Mmh. Pourtant, tu sais que c'est de la merde. Ouais. Tu vas faire quelque chose, mais tu sais que c'est pas une bonne idée. Ouais. Mmh. Tu sais que c'est pas une bonne idée de le faire. Ouais. Mais tu sais que tu vas le faire et que tu vas le regretter. Ouais. Ouais. Exemple avec Glandu. Et ben moi j'ai passé la main devant mon défroisseur vapeur pour vérifier si la vapeur était bien chaude. Et ouais, en fait, c'est ouais, le principe même de la vapeur. Voilà. Ouais, c'est assez chaud. Ouais. Tu savais que t'allais te brûler la main. Je le savais. Je le savais. Je me suis brûlé. Alors, deux infos là-dedans. La première, c'est qu'évidemment, quand tu as de la vapeur chaude, bah, forcément, bah, ça va pas devenir froid d'un coup. Non, non. La deuxième, c'est que tu as un défroisseur vapeur chez toi. Ouais, je l'ai acheté il y a quelques jours. Non, j'en suis assez content. Ouais, franchement, c'est cool, révolutionnaire. Tu mets la chemise ou le t-shirt sur un cintre. Ouais. Et tu passes et ça défroisse d'un coup. Et t'as pas besoin de repasser. Ah non, il y a plus besoin de repasser. Moi, je déteste repasser. C'est ma hantise. Hein. Oh. Et du coup, ouais, c'est franchement, c'est hyper pratique, hyper rapide. Si tu vas en soirée et que t'as besoin d'une petite chemise, boum, boum, boum, tu te la repasses et puis voilà. Quoi. Ouais, j'ai mis un t-shirt moi la soirée. Ah ouais. Mais même ça marche pour tout. Pour tout, moi je le fais avec les t-shirts et les chemises. Ah, oh, c'est cool ça. Je vous adore quand vous parlez de repassage. Ah là, ouais, je suis en plein kiff. Hein. Non, on parle pas de repassage. On parle de moyens rapides d'éviter le repassage. C'est différent. Mais revenons au sujet. Tu sais que c'est pas une bonne idée de le faire, mais tu vas le faire. J'en ai un comme ça. Bah, moi, je suis en train de restructurer chez moi, puisque bah, on était deux et que maintenant je suis tout seul et donc il y a un peu d'espace. Donc je bouge les meubles de place. Ouais. Et j'avais mon meuble télé que j'ai voulu bouger de place, mais bougeant de place, j'ai deux petites marches. Ouais. Je me suis dit, je vais le tirer, le meuble télé, pour le bouger, pour le mettre ailleurs. Ouais. Et j'avais la flemme de sortir tout. Et donc, en fait, j'ai tiré avec tout dessus. Oh, non. La console, la télé. Ouais. Mais non. Je savais qu'évidemment, c'était impossible. J'étais seul en plus, donc je pouvais pas le soulever. Donc, je me suis dit, je vais le faire glisser. Il va glisser dans les marches, il va tenir. Bien sûr. Je savais que ça pouvait pas marcher. Bah non. Et alors ? Mais je l'ai quand même fait. Ouais. Ah, bah, tout s'est cassé la gueule. Oh là là. La télé, la console, les. Tout. Le bordel. La seule solution pour que ça marche, c'est que tu sois un super-héros, finalement. T'as énormément de force et que tu puisses le lever comme ça. Alors, je vous l'annonce, je ne suis pas un super-héros. Ah, ouais. Super con, mais pas super héros. Quel a été votre moment à vous? Vous savez que le faire, c'est vraiment pas une bonne idée, mais vous le faites quand même. 0870 42 48. Vous pouvez nous appeler. Dans 3 minutes, c'est les sondages du matin, juste après The Prince Karma sur Energy. This is complete and total bullshit. I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. 7h39, bienvenue sur Énergie, on va s'écouter Vita et Slimane. C'est quoi, on peut s'écouter la version qu'ils avaient faite au Energy Music Awards. Carrément. Trop bien. On avait fait une émission spéciale, c'était le week-end dernier, entre 10h et 13h. Il y avait plein d'artistes qui avaient chanté plein de chansons. Ah, et ben on va se l'écouter. Ouais. Super. La version de Vita et Slimane, je te le donne en live. Mais avant ça, voici les sondages du matin. Yes. Ouais. Comme chaque jour, écoutez bien le premier. 30% des hommes avouent l'avoir déjà fait en regardant un match de foot. D'après vous, de quoi il s'agit? Paulette. Casser un objet. Non, c'est pas ça. C'est sexuel? Alors rien à voir, désolé. Oh. Ah non. Eh oui. C'est un truc qu'ils font seuls ou avec leur partenaire? Ah non, ils le font seuls. Seul. Non, ils ont besoin de personne. Chanter des chants de supporters? Non. C'est pas ça. Grignoter? Grignoter non plus. Embrasser son écran? Non, mais ça avance. Ils le font avec leur corps ou ils ont besoin d'accessoires? Ils n'ont besoin de rien et ils le font avec leur corps. 30% des hommes avouent l'avoir déjà fait en regardant un match de foot, pleurer. Oh wow. Ton équipe favorite, elle perd et là tu craques. Oh ah, pleurer, parce que moi, pleurer de joie, ça m'est déjà arrivé. Une victoire en Coupe du Monde, j'ai déjà pleuré de joie devant mon écran. Ah oui, mais là tu mets la victoire, oui, quand on gagne la Coupe du Monde. Ouais, ouais. Oui, mais là on parle. À pleurer de tristesse. Ah non. Oui. Non. Ouais. Moi, je suis plutôt dans la colère, quoi. Dans les insultes. Ah ouais, dans les insultes. Ouais, ça peut m'arriver d'être fâché contre l'arbitre. Tu sais pourquoi t'insultes? Ouais, pourquoi? Bah parce que tu sais que t'es devant ton télé et que tu risques rien. Ah oui, évidemment. 72% des gens qui pratiquent cette activité sont des femmes. De quelle activité il s'agit, Nico? C'est un truc un peu de vieux, genre le tricot ou pas? Non. Non. Le fitness? Non, on se rapproche. Ah, l'aquagym? On se rapproche pas du tout. Le running? Non. Le yoga? Le yoga. Ouais. Ah ouais. Ah, oui. Ah, 72% des gens qui pratiquent le yoga sont des femmes. C'est vrai que moi, dans mon cours de yoga, il n'y a qu'un seul garçon. Et non. En plus, il est suédois, donc on comprend pas du tout ce qu'il dit. Le pauvre, il est vraiment seul. Mais franchement, tu donnes envie d'aller dans tes cours de yoga. Ouais, c'est clair. Voilà. Pour 16% des femmes, si un homme n'a pas une belle, elle ne donnera pas suite à un premier rendez-vous. S'il n'a pas une belle, c'est un accessoire vestimentaire ou pas? Non, ce n'est pas vestimentaire. Ah. Belle voiture? C'est pas une voiture non plus. Bah, on pose. C'est un truc qu'il possède ou c'est genre sur son corps? C'est son corps. Ah, alors une belle chevelure? Non. Une belle pomme d'Adam? Non plus. Une belle voix? Une belle voix, absolument. Ah, ouais. Pour 16% des femmes, si un homme n'a pas une belle voix, elle donnera pas suite à un premier rendez-vous. Ouais. C'est très important la voix pour nous. Ouais. Moi c'est vrai que je suis sortie avec lui à la base juste parce qu'il avait la voix cassée. Je trouvais ça trop classe. Ah, ouais. Sympa. Enfin, j'ai accepté un rendez-vous quoi. Sans déconner. On dirait Patrick Bruel. Ouais, 6h42, pas du tout. Les sondages du matin reviennent lundi à la même heure. On va s'écouter Vita et Slimane tout de suite. La version Energy Music Awards, on avait fait une émission entre 10h et 13h samedi dernier avec plein d'invités. Vita et Slimane étaient là et ils avaient chanté en live pour nous. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Ça ne compte pas quand t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi. Là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne avec nous. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. J'ai le spleen de toi, de tes yeux. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne, même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui gagne, si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne avec nous. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui calme, si tu le veux, je te le donne, je te le donne, donne, donne, je te le donne, donne, donne, je te le donne, donne, donne, je te le donne avec nous, je te le donne. Spéciale Energy Music Awards, on avait fait une émission, c'était samedi dernier. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur manudansle69.com et sur notre page Facebook. Et Vita et Simon, eh ben, il nous avait fait ce petit plaisir, il l'avait fait en direct. Ouais. On va s'écouter Kaiser pendant dans deux minutes. Et avant ça, un beau sujet. Tu sais qu'il faut pas le faire, mais tu vas le faire quand même. Ouais. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Le principe, il est très simple. Vous avez quelque chose à faire, mais vous savez que si vous le faites, ça va se terminer en conneries. Ouais. Ouais. Ouais. Mais vous le faites quand même. Ouais. Exemple, Glandu, il a un défroisseur vapeur. Il a appuyé sur la vapeur pour savoir si la vapeur était chaude. Bah, c'est le principe. Bah oui. Et évidemment, il s'est brûlé. Ouais, j'ai mis la main devant. Ouais. On y va, Isabelle. J'ai pas pris de panier au supermarché. J'ai fait une grande pile de yaourt dans mes bras. Parce que je le retenais avec mon menton et je me suis dit, je vais aller vite, vite, vite à la caisse comme ça. Hop, hop, hop, je me dépêche. Mmh. Et puis en fait, bah, y avait 4 pots de yaourt en verre qui sont évidemment tombés et qui se sont cassés dans l'allée des yaourts. On le sait à la base. Ouais, c'est ouais. peut-être pour ça qu'il y a les caddies. C'est voilà. ça. Eh oui. Vous savez qu'il ne faut pas le faire, mais vous l'avez quand même fait. On a Laurine avec nous au téléphone. Bonjour Laurine. Salut Manu. On t'écoute. Alors moi en fait c'était lors de mon déménagement, j'ai voulu aller plus vite et du coup j'ai pas mis de papier bulle autour de mes assiettes et pas monté. Quand j'ai ouvert le carton, elles étaient toutes cassées. Eh oui, on le sait. Hein. Mais on le sait que quand on déménage, il faut protéger chaque assiette. Ouais. Mais on le sait. Mais évidemment ça nous gonfle. C'est ça. Alors on se dit peut-être que ça marchera. Et non. Et non, ça ne marche pas. Merci de nous avoir appelé, Laurine. Il faut pas le faire, vous l'avez quand même fait, Nico. Ouais, j'ai eu ça avec un pot de Nutella, moi, que j'ai voulu mettre au micro-ondes pour le réchauffer. Et il y avait l'opercule encore un peu dessus. Il faut pas mettre l'opercule en aluminium, là. Voilà, l'opercule est en aluminium, donc ça a fait une étincelle et mon micro-ondes a grillé. Mais non. Mais tu le savais avant. Je le savais que ça allait faire des étincelles, mais je me suis dit, je le mets que 15 secondes. Donc ça peut passer. Mais c'est pas passé. Et non, ça n'est pas passé. C'est pas passé. Oh, le gourmand, quoi, l'appel du ventre. Si, ça a marché. Merci, mec. Marilyn, bonjour. Ouais, salut Manu, salut les Wenwen. Salut. Bienvenue sur Énergie, Marilyn. Tu sais qu'il faut pas le faire, mais tu l'as fait quand même. Ben voilà, ben c'était, écoute, c'était à l'occasion d'un dîner entre amis. Voilà, j'ai voulu mettre une bouteille de champagne au frais pour que ça se rafraîchisse rapidement. Et en fait, j'ai oublié au congèle, voilà, comme une bourrique, elle s'est éclatée. Ah oui, ah, le truc, c'est en fait, quand on met une bouteille, on veut la rafraîchir rapidement, on la met au congélateur, mais si tu l'oublies, bah, ça gonfle et ça pète. Ah, ouais. C'est ça. En plus, je savais, mais. Ah oui, tu le savais. Merci de nous avoir appelé, Paulette. J'ai bourré mon sac poubelle à fond, alors que je savais qu'il allait se déchirer, et évidemment, à deux pas de la poubelle en bas, bah, il a explosé. Oh non. Ouais. Aïe. Juste avant la poubelle. Ça tombe. Ouais. Je savais pourtant qu'il allait exploser. C'est bien l'image de la voisine, ça, que tu retrouves dans la cour de ton immeuble qui est en train de ramasser des déchets, des trucs. Tu vois, là, qu'est-ce qu'elle fait elle met toujours tout de son côté pour être sexy. 6h49, on va s'écouter Kaiser Panda tout de suite. Et à 7h05, on double votre salaire pour la première fois de la matinée. Soyez les bienvenus, c'est NRJ. C'est Manu dans le 6-9 avec vous. España, Brasil hasta Panamá, Puerto contigo también lo sienta en Venezuela, quiero dos. Oye, la fiesta a ti te llama, suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer, y si no, pues tú no ven. Esta noche llego a hacerme con el parque, de noche me floco como Yandé. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacita. Todo el mundo quiere, todas las mami lo quieren. Sé que prefiere, mami, tu huevo no miente. La gente marcha, Bogotá va a rumbear y Bogotá va a danzar. No llego todo ya, Pipura y en el oriente. Todo quiere fiesta y bailar. La gente marcha, la gente quiere fiesta y rumba. Ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi Pipura, vamos a romper. Bon réveil sur Énergie, on va s'écouter Imagine Dragon, ça arrive dans 3 minutes. Avant ça, nous allons parler pompes funèbres. Oh là là, hein, c'est gay. Oh là, pourquoi? Bah, ils ont le droit de s'amuser aussi, ils ont les pompes funèbres. Bon, okay. La preuve, un employé de pompes funèbres a compilé toutes les phrases improbables qu'on lui a déjà sorties à propos de son métier. Ah, d'accord. Écoutez bien, c'est bizarre qu'il vous fasse faire une formation de secouriste dans tes pompes funèbres, c'est contre-productif. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que s'il sauve la vie de quelqu'un, ça lui enlève du boulot. Hein. Oh. Le chiffre d'affaires est en baisse. Oh, non. Un autre. Donc tu travailles aux pompes funèbres. Oui, mais t'as déjà vu des morts en vrai? Oui, c'est son métier. Effectivement, c'est mon métier. Un autre. Au moins dans ton métier, il n'y a pas de chômage. C'est une façon de voir les choses comme. Mais c'est vrai. Ouais, toujours voir le bon côté des choses. Hein. Je jure, bien sûr. Cool. Mm. Un autre. J'imagine que tu es contre les progrès de la médecine, ça casse ton business. Oh, non. J'adore. Ouais. Et un petit dernier. Dans mon boulot, on n'a pas le droit de coucher avec nos clients. J'imagine que dans le tien, ça prend encore plus son sens. Non. C'est bizarre de penser à ça. Ça rend mal à l'image. Aujourd'hui, les amis, nous sommes le 16 novembre. Nous avons deux journées mondiales. Ah. Mmh. Première, elle est importante, c'est la journée mondiale de la tolérance. Ah oui. Je suis plutôt tolérant dans la vie, dans le boulot. Ouais. La preuve, vrai. Paulette. Bon. C'était gratuit, c'est gratuit. Deuxième journée mondiale de la pistache. Ah, voilà, voilà. Aussi appelé à l'apéro le coupe-ongle. Oui. Ah, le coupe, la message. Ah oui, ça te nique les ongles. C'est vrai. Allez, 6h54, Imagine Dragon sur NRJ. À 7h05, on double votre salaire pour la première fois de la matinée. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9 avec vous. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey.

c'est à vous de choisir. Les Pokémon s'offrent un comeback événement sur Nintendo Switch aujourd'hui. Let's Go, c'est le nom de cette nouvelle version du jeu qui s'inspire largement de Pokémon Go avec un univers en 3D. Et principale nouveauté, cette fois-ci, une manette en forme de Pokéball est vendue pour attraper les petites bêtes, idéale pour se glisser dans la peau d'un véritable dresseur. Au son du spectacle et de la high-tech, un concert de Muse, c'est toujours une expérience à part. Et les Britanniques vont faire honneur à leur réputation avec une nouvelle tournée mondiale prévue l'année prochaine. Ils passeront par Marseille, Bordeaux et par le Stade de France au mois de juillet avec énergie. La billetterie ouvre ce matin à 10h. Sur scène, Mathieu Bellamy présentera son dernier album, le 8e. Voilà pour les infos. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. C'est une sorte de robot. Oui. Clairement, ouais. Voilà. Il ouais. Y a Siri, il y a Alexa d'Amazon, il y a Apple qui a son enceinte connectée aussi. Ouais. Ils ont tous leur enceinte connectée ouais. Et le, on va dire ce qu'on appelle le prototype raté, c'est nous qui l'avons. C'est Georges et il appelle des gens au hasard chaque matin. Et aujourd'hui, Georges a décidé de jouer à Georges Addy. Ah oui. C'est comme Jacques Addy, mais c'est Georges Addy. Et il va appeler quelqu'un, c'est à pas louper, c'est très drôle, c'est dans une petite dizaine de minutes. On va écouter Georges Ezra, il y aura aussi MHD, mais avant ça, il est 7h06. C'est parti, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Manu dans le 6-9.com ou énergie.fr pour vous inscrire. Boris habite Sourcieux-les-Mines, c'est dans le Rhône. Il a 34 ans et il touche 1 876 € chaque mois. Boris, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Attention, ça sonne chez Boris. Boris doit décrocher. Parce que sinon, ça peut pas marcher. Boris, décroche ton téléphone. Allez. Allô, oui. Allô, Boris. Oui. Tu m'as stressé, Boris. T'as mis trois sonneries avant de décrocher. Bah, non, je promène mon chien, tranquillement. Tu me parles pas comme ça. Tu me parles pas comme ça, Boris, parce que tu vas te rendre compte que t'étais à ça de louper un gros moment. Boris, oula. Comment il s'appelle ton chien? Il s'appelle Canel. Boris et Canel. C'est mignon. Ouais. C'est mignon. On dirait un titre de série, Boris et Canel. Non, on dirait un titre de film d'auteur français avec des ouais. images ouais. chiantes. Oh, Boris, avec tout le respect que je te dois à toi et à ton chien, je te pose une question simple. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Et Boris, même si tu sors Canel ce matin dans le froid, tu as bien fait de décrocher ton téléphone parce qu'on va doubler ton salaire. 1 876 € x 2, ça va faire 3 752 €. Oh là là là là là là là là là. Vous êtes trop fort. Très très très beau. Ah, oh là là ouais. là là. Avec un petit cri derrière Boris. Trop content. Tu es enseignant d'équitation. Tout à fait. Waouh, tu donnes des tu donnes des cours à des enfants, à des adultes, à des à des gars qui font de la compète et à des petits loulous qui apprennent à faire du poney. Ah, c'est long, c'est très très large, c'est ouais. du poney à la compétition. Ouais. Exactement. Et t'en fais toi de la compétition aussi? Ouais, carrément. Et j'ai bien performé, ouais. J'ai bien performé. Et dis-moi Boris, franchement tu te la racontes un peu là avec Canel. C'est trop chaud, j'aime trop les poneys. Et du coup je bosse pas mal là-dedans. Et non, c'est cool. T'as fait quoi quand tu dis j'ai performé? T'as fait quoi? Je suis champion de France de saut d'obstacle. Vice-champion de France, ça veut dire que t'as été champion de France il y a genre 2 ans? C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, mais pas champion, vice-champion. Mais c'était déjà carrément bien. Ah, vice-champion, c'est le deuxième? Ouais. C'est le deuxième, ouais. Oh, c'est con ça. Bon. Oh non, c'est bien, Manu, arrête. Non, c'est trop bien. Non, je veux pas le savoir. La classe. Non, moi, je veux que les premiers. Vice-champion. Ah, là, c'est classe. C'est la médaille d'argent, quoi. Exactement. Ouais, exactement. Et en quoi? Parce qu'il y a plein de disciplines en équitation. Tu fais quoi, toi? Là, moi, je fais du saut d'obstacle. Là où on leur fait sauter des barres en bois et on fait un petit parcours. J'ai une question. Mais c'est vraiment une vraie question. Est-ce que le cheval, quand t'es dessus, qui fait du saut d'obstacle, il se rend compte de ce qu'il fait Non mais est-ce qu'il se rend compte que c'est une compétition qui doit sauter le plus haut possible, ou alors il le fait parce que pour lui c'est un jeu, ou je sais pas. Ouais. Non non, il comprend que c'est le concours, il sait ce que c'est. Il y a une petite cloche avant de partir, il entend le son de la cloche, du coup il est prêt à aller galoper pour aller sauter les barres et tout ça. Mais pourquoi il le fait? Pourquoi le cheval se dit c'est rigolo de sauter les barres avec un mec sur mon dos? Il est trop gentil. Alors, je suis pas gentil. Moi, tu viens sur mon dos avec une cravache et un petit chapeau ridicule là, avec vos vêtements du 18e siècle. Tu montes sur mon dos comme ça. Je n'ai aucune envie d'aller sauter des barres. Tu comprends? Justement, c'est ce qu'il a dit. Ils sont trop gentils. Je pense qu'ils se disent allez, on va leur faire plaisir. Ils ont inventé ce sport. Il y a du monde qui regarde à la télé. On a même une chaîne qui est dédiée pour nous, donc on va faire le job. Écoute, et Bernard, tu vas pas le croire. Je passe sur Equidial en deux minutes là. Mais bon, faut que j'ai Boris sur le dos. On te double ton salaire, Boris. 3 752 €. Ça arrive très vite pour toi. Ah, vous assurez, c'est trop cool. Merci beaucoup. Eh ben, bonne fin de balade avec Canel. C'est gentil, c'est trop cool. 7h10, ça peut vous arriver vous aussi. Il suffit de vous inscrire à energie.fr ou Manu dans le 69.com tous les jours, 7h05 et 8h05. On double votre salaire. Jean Gézera tout de suite pour vous. On démarre la journée ensemble, on est vendredi, c'est le 16 novembre, c'est le week-end qui arrive. C'est Énergie que vous avez choisi, soyez les bienvenus. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road. Gotta hit the road. Deep sea diving round the clock. Bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, someone, someone. 7h13, bienvenue sur Énergie dans 3 minutes. Retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. C'est nous qui l'avons et elle va appeler quelqu'un pour jouer à Georges Adi. Oh là là. C'est totalement débile, c'est comme Jacques Adi, sauf que c'est Georges Adi. C'est ça. On va écouter MHD, il y aura Labrine Tessia. Et avant ça, nous allons parler d'un truc qui t'a touché tout le monde. Ouais. Enfant ou si vous êtes parent. Je sais pas si t'as du mal à faire manger des légumes à tes enfants, Isabelle. Un petit peu, oui, c'est vrai. J'ai trouvé une liste des 10 meilleurs trucs. Alors j'ai gardé que les 5 meilleurs que les parents utilisent pour duper, gruger leurs enfants pour manger des légumes. Ouais. Oh. Écoutez bien. Mélanger les légumes dans d'autres aliments pour amener les enfants à les manger. Exemple, mélanger le brocoli dans le ketchup ou le chou-fleur dans les pâtes au fromage. Ouais, c'est vrai, oui. Le petit gratin, c'est pratique pour ça. Ouais. C'est un gratin de quoi? Un gratin de pâte. Ouais. Du coup, c'est plus du tout équilibré, quoi. Ouais. Non, mais bon. Le ketchup de partout. Ensuite, il y a aussi corrompre les enfants comme offrir des bonbons s'ils finissent leurs légumes. Oh. Là, on les achète hein, directement. Ouais, là, on n'en peut plus, on a épuisé toutes les possibilités. Bon, mange tes légumes et je te filerai des gros bonbons avec des Kinder Surprise avec du gros chocolat dégueu. Oh, non. Dans les trucs que les parents utilisent pour faire manger leurs enfants des légumes, il y a aussi appeler toutes les viandes du poulet. Ah ouais. C'est vrai. C'est-à-dire que ça marche aussi, c'est pas du poisson. C'est... Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, il me disait c'est pas du poisson, c'est du fish. Génial. Fish, c'est poisson en anglais, mais je le savais pas. Il mentait pas à tes parents. Parce que l'enfant, il va se rendre compte que ça n'a pas le même goût à chaque fois. Ah non, mais moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'étais con. Hein, je mangeais du fish. Je comprends maintenant leur sourire et leur tristesse. Dans les trucs que les parents utilisent aussi pour faire manger leurs enfants, il y a leur dire que le céleri leur donnera des super pouvoirs. Oh là là. Oui, enfin ça marche une fois. Hein. Ouais. Oui. Et un petit dernier, dire que ces brocolis sont juste pour vous et pas pour eux, ce qui va leur donner envie d'y goûter. Oui. Eh oui, pas mal. Ça, les brocolis, c'est pour les parents. Ouais. J'en veux. Oh, moi je dirais ok. Hein. Allez, 7h15, on vient tout de suite. On va écouter MHD, le nouveau c'est Bella. Et retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France dans 3 minutes. Bienvenue sur Énergie. Ce soir c'est le week-end. C'est Manu dans le 6-9. C'est le week-end. You are saying tonight. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings. But I'll give you everything. Music only. Jérémy Frérot. Ceci n'est pas un au revoir. J'ai deux passions dans la vie, la chanson et Manu. Manu un peu plus, je crois. Oh, merci. 7h19, on va écouter MHD dans 3 minutes, mais avant ça, même pas, dans 2 minutes, mais avant ça, on va se faire plaisir. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. Voici le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, c'est nous qui l'avons. Et aujourd'hui, Georges a décidé de jouer. Parce que Georges, parfois, il a envie de se détendre. Mmh. Il veut jouer à Georges Adi. Mmh. C'est parti. Oui, allô ? Bonjour. Ceci est un message automatique. Oui ? Je m'appelle Georges. C'est qui, Georges ? Je connais pas. Nous allons jouer à Georges Adi. Qui vous a communiqué mon numéro ? Georges Adi, répétez. Qui vous a communiqué mon numéro ? Georges Adi, répétez. Qui vous a communiqué mon numéro ? Répétez. Qui vous a communiqué mon numéro ? Son numéro. Perdu, je n'ai pas dit Georges Adi. Ah ! Concentrez-vous, c'est pourtant facile. Georges Adi, dites votre gros mot préféré. Mais vous n'allez pas le savoir. Dites votre gros mot préféré. Ah bon, on va passer à l'insulte maintenant. Allez, gros connard. Encore perdu, je n'ai pas dit Georges Adi. Ouais. Perdu. La automatique de Georges. Manu dans le 6-9. Vous pouvez tous les retrouver en podcast, c'est sur manudansle69.com. On va écouter MHD juste après. Nicole lit tous les messages que vous envoyez sur Twitter, sur Facebook. Et il écoute les messages vocaux que vous nous envoyez sur notre application Manu dans le 6-9. C'est dans 3 minutes. Et l'info du week-end, c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Grosse revendication en 3 minutes. Vos messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9, c'est juste après MHD avec Bella. Il est 7h20. Bon réveil, merci de nous avoir choisi. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La gomme intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine, je ferai pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire, une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma Bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe, mon cœur va chier. Seen you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance now. Can't move on. Oh, my girl, so sexy. The way she dance, so sexy. So she give me love, sexy. You making me once more sexy. Yeah, with your sexy body, come and chop my money. Yo. Ay, ay, ay, ay. Oh, yeah, take all my money, put down for your head. Ay, ay, ay, ay. Make me my they go, baby, girl, so. Make you drop all my money. Ay, ay, ay, ay. Qu'elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur l'a mis game over. Soyez les bienvenus sur Énergie. On va écouter Dadju Yoros, c'est le dernier David Guetta dans 3 minutes. Mais avant ça, on se fait plaisir. Oui. Parce qu'on se fait tout le temps plaisir en fait dans cette émission. On lit tous les messages que vous nous envoyez sur notre page Facebook avec le hashtag Manu dans le 6-9 sur Twitter. Et on écoute tous les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. N'hésitez pas, Nico écoute tout et il les partage avec nous. Hier, on s'est chacun donné des conseils de vie en seulement 4 mots. Et ça a cartonné sur Facebook et c'est parti dans tous les sens. On démarre avec Cindy qui dit « Mets ton clignotant, putain ». Efficace. Le putain est en trop, mais on a compris le concept. Un autre conseil de vie en 4 mots qu'on aimerait tenir, là, c'est Zoé qui dit « Faites amour chaque jour ». Ah ouais ? J'aimerais vraiment bien. Un autre de Céline, faut préserver la planète. Ouais. C'est joli. Ça, je crois qu'on est conseil de vie en 4 mots, ça marche. Tous d'accord. Un autre de Jennifer, alors là c'est pour nous les hommes, lève la cuvette, bordel. Ah, désolé, j'avais pas vu. Et un petit dernier conseil de vie en 4 mots, je pense que Manu, tu vas être d'accord avec elle, c'est Juliette qui dit pas ananas sur pizza. Voilà. Meilleur conseil de vie en 4 mots. Ouais, ouais. On a aussi parlé de nos collections les plus bizarres. Et attention, là, il y a du niveau. Écoutez ce message de Katie qu'elle nous a laissé sur notre application Mayan 6.9. Alors, moi, la collection la plus bizarre que j'ai fait, s'il vous plaît, ne me jugez pas, mais j'avais 5 ans. C'était une collection de crachats. J'avais une grosse boîte et je crachais dedans une fois par jour. Pourquoi, je ne sais pas, ça me dégoûte, mais voilà, c'était ma petite collection un peu chelou. Ah oui. Et ma mère, un jour, a vu la boîte et l'a jetée, sans rien me dire. Ouais. Oui, bah, c'est quoi, c'est ce qu'elle a fait mieux de sa vie. Oui. Bon, une autre collection inutile aussi. Bah, Manu, moi, mon frère, il collectionne les boîtes de Pringles. Va comprendre pourquoi. C'est comme les rouleaux de PQ en fait. Et à un moment, tu te retrouves avec ce truc-là, t'as fait ce qu'il y avait à faire avec et tu te dis pourquoi pas. Alors ça peut faire de la bonne déco. Bon, on n'a pas eu le temps d'en parler hier, mais là on va devoir parler politique. Vous êtes tous au courant de ce qui se passe demain, l'opération Gilets jaunes, tout ça. Ah oui, bien évidemment. Sûr. Avec le blocage des routes, quoi. Les Gilets jaunes. Ouais. La France tremble. Bah oui, la France va être bloquée, là. Ah bah complètement. Moi, je fais des réserves chez moi. Hein. Ouais, bah t'as raison. Des réserves de nourriture pour un mois, on sait jamais. On sait jamais. Et ben là, il y a Ignace qui est contre et il nous explique pourquoi. Ouais, Manu, c'est Ignace. Ouais, j'ai un petit message, là, pour tous ceux qui comptent faire grève, là, le 17. Alors moi, le 17, je fais pas grève parce que le midi, je bouffe chez ma mère et normalement, il y a la paella. Alors, ils n'ont pas intérêt de me loquer parce que moi, vraiment, j'ai déjà faim pour samedi. Ok ? Allez, bisous à tout le monde. Meilleur, c'est génial. Alors, je m'adresse à tous les gilets jaunes. Pensez à la paella, quoi. Ouais. C'est le passé. C'est pas sympa, quoi. Ah ouais. 7h26, n'hésitez pas à nous envoyer des messages vocaux. L'application Manu dans le 6.9, elle est gratuite, vous pouvez la télécharger. Le nouveau David Guetta, on va se l'écouter, c'est juste après les infos sur NRJ. À tout de suite. Manu dans le 6-9. Oui, c'est Manu et tous ces ouin-ouin. 6h, 9h30, tous les matins sur NRJ. Vous savez que votre radio est allumée sur NRJ. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Black Friday avant l'heure chez Sephora et c'est complètement dingue. Nos parfums et coffrets parfums sont à moins 30%. Alors n'attendez plus. C'est le moment de vous enivrer de nos fragrances irrésistibles et d'attirer toutes les convoitises sur vous. Mais attention, vous n'avez que jusqu'au 26 novembre pour profiter des moins 30% et céder à vos coups de cœur parfumés. À très vite chez Sephora. Voir conditions en magasin et sur Sephora.fr. Sephora, au cœur de la beauté. Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand vous remarquez que votre déco a l'âge du Père Noël, nous, on vous propose les dernières tendances. Du sapin à la table de fête. Pour une atmosphère naturelle, chic ou art déco à petit prix. Conforama. Jusqu'au 24 décembre, conditions en magasin sur Conforama.fr. Pendant le mois géant de chez Géant, faites le plein de bonnes affaires. Oui, jusqu'à dimanche, les carburants sont à prix coûtant chez Géant. Et en plus, jusqu'au 18 novembre, pour tout achat de carburant, recevez un bon de réduction de 5 euros, valable sur vos prochaines courses. Les prix bas, c'est... Yeah. Voir modalité en magasin et en station. Bon de réduction de 5 euros à valoir des 50 euros d'achat. Hors magasin Corse, l'énergie est notre avenir, économisons-la. La bonne idée bute pour les fêtes, c'est une cuisine à moins 70%. Vous imaginez ? Une dinde, des marrons, une cuisine. Pour le sweet Noël en ce moment chez Butte, jusqu'à moins 70% sur des cuisines d'exposition. Oui, jusqu'à moins 70%. Conditions et taux de réduction en magasin. Sweet Noël, doux Noël. Sur Énergie, découvrez les services d'EDF Entreprises qui simplifient l'activité des pros. Panne d'électricité, fuite d'eau ou de gaz ? Ne laissez pas un problème technique nuire à votre activité professionnelle. Avec les offres d'assistance dépannage d'EDF Entreprises, électricité, plomberie et gaz, des spécialistes vous répondent 24 heures sur 24 pour un diagnostic téléphonique et une intervention si nécessaire en moins de 3 heures. Pour plus d'informations, contactez-nous au 3022. Appel gratuit. Voir caractéristiques et conditions des offres sur edf.fr/entreprise. Les services d'assistance sont garantis par Europe Assistance. EDF est mandataire d'assurance immatriculé au registre des intermédiaires en assurance. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only.

ça va faire 7 ans que je suis en couple et donc c'est des choses que je vis maintenant, que je suis sûr que j'ai envie de raconter. Paradis, c'est quand même une chanson qui va jusqu'au bout du bout de l'amour, quoi. En fait, ce que je voulais symboliser, c'est le moment où tu te retrouves à côté de quelqu'un dont t'es amoureux avant de dormir et tu te dis, oh putain, ça y est, je suis bien et tout, j'ai vraiment quelque chose qui me plaît, une situation dans laquelle je ressens une forme de plénitude, quoi. Je suis tellement content que la chanson passe sur Énergie et que les gens puissent la découvrir, parce que c'est pas non plus une chanson forcément si facile d'accès que ça. Une interview d'Evan Jorsen aura lieu en tournée pendant encore 3 semaines. Il sera les 5 et 6 décembre à l'Accor Hotel Arena. Voilà pour vos infos. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Vous comme chaque matin, 7h35, on va s'écouter Dadju. Il y aura aussi le nouveau David Guetta, ça s'appelle Say My Name, c'est ça. Ça n'arrive jamais que David Guetta sorte un morceau qui ne marche pas. Non. C'est dingue, quoi. Ouais. Il m'épuise. Le nouveau Guetta, ça arrive pour vous dans 5 minutes et on va jouer au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. Glandu n'est pas sorti de la semaine. Ouais, c'est vrai. Oh, reviens. Ah bah c'est toi. Je suis chaud le vendredi. C'est toi qui vas tout faire pour faire gagner la console de jeu de votre choix. Vous nous appelez maintenant 0870 42 48. Avant, nous allons parler d'amour. Ah ouais. Mmh. Enfin, pas vraiment. Ah, je me disais aussi de sexe. Alors, c'est quoi? Peut-être. On va voir. J'ai trouvé sur un forum cette discussion. Quelle est la chose que votre partenaire ne sait pas sur vous? Okay. Vous êtes en couple, mais bah, on a tous notre jardin secret. Bah oui, oui. Ok, il y a des choses qu'on dit et il y a des choses qu'on dit pas, qu'on oublie de dire. Ouais. Des petits mensonges, des petits trucs. Et ben c'est le moment de l'avouer. Okay. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler ou sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. Je vous donne quelques exemples. Il ne sait pas que je mets du déodorant entre mes seins. Ils sont gros et ils transpirent. C'est comme avoir une troisième aisselle. Oh oui. Ah mais non. Il vaut mieux ne pas le dire là. C'est une vraie fille qui a mis ça sur le forum. Hein. Ah ouais. Non mais là effectivement tu veux pas le savoir quoi. Non. Ah mais non, on le veut pas. Ah oui c'est ça. Si elle commence à le dire, arrête-toi. Il ne sait pas que mon nombre de partenaires avant lui est le triple de ce que je lui ai dit. Ah. Ouais. Le triple c'est beaucoup hein. Ouais. Ça on s'en doute quand même que les filles mentent un petit peu là-dessus, mais on veut pas effectivement savoir. Mais vous doutez aussi que nous on ment hein. C'est-à-dire que pour vous il faut multiplier par 3, nous faut diviser par. Ouais, c'est ça. Elle ne sait pas que mes cookies maison sont des cookies du supermarché. Oh non, c'est pas sympa. Ça va, c'est pas méchant. Quelle est la chose que votre partenaire ne sait pas sur vous? Elle ne sait pas que je mange de la viande alors qu'elle est végane et que j'ai prétendu l'être aussi. Oh, ça, c'est chaud. Mais ça, c'est un truc de plus en plus classique. Ouais. Au premier rendez-vous, tu dis que toi aussi, t'es végane et tu dis, bon, on verra après, je lui dirai un jour. Oh là là. Et après, tu c'est parti l'engrenage, quoi. Ah, c'est dur. Mais la période des barbecues, ça va être tellement compliqué, quoi. Mais ouais. Ça va être chiant, quoi. Avec tes potes qui passent tous, tu veux une brochette? Non, non, je suis végane. Mais depuis quand t'es végane? Non, mais depuis longtemps, mais je te l'ai jamais dit. Et un petit dernier, quelle est la chose que votre partenaire ne sait pas sur vous? Elle ne sait pas que mon ancien métier n'était pas serveur dans un bar, mais stripteaseur. Oh! Ah, bah, ouais. C'est pas la même. C'est pas. Oui, c'est. Ça se rapproche, mais c'est deux chemins différents. Ah ouais. Quelle est la chose que votre partenaire ne sait pas sur vous? Eh bien, venez nous le dire. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Isabelle, il y a quelque chose que ton mec, avec qui tu es depuis maintenant, je vous rappelle, 200 ans? Mais non, ça fait 25 ans. On s'est rencontrés à l'école. Et y a un truc. Il ne sait pas que. C'est pas vrai quand je lui dis qu'il n'y a plus sa petite bière préférée en rayon. Et en fait, c'est parce que je veux qu'il boive de l'eau. Et donc je lui dis, mais je suis désolée, il y a une rupture de stock, il n'y en avait plus. C'est pas vrai. Il se dit pas à un moment que c'est quand même beaucoup de rupture de stock? Bah ouais. Non, il me croit, tu sais, il a confiance en moi hein, depuis toutes ces années. C'est ça le problème de ton mec. Il a confiance. Mon Dieu, l'erreur de débutant. Dadju tout de suite sur Énergie. Quelle est la chose que votre partenaire ne sait pas sur vous? On vous prend au téléphone après. Et puis on va jouer au jeu des 5 mots aussi, c'est dans 3 minutes sur Énergie. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femme et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis. T'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme-femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah. J'ai toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis. T'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. C'est un 41, bienvenue sur Énergie. Le nouveau David Guetta arrive dans deux minutes, mais avant ça, nous allons jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde. Anne-Sophie, bonjour à toi. Coucou Manu, coucou les wawas. Coucou Anne-Sophie. Ça va? Bah oui, ça va, comment ça pourrait pas aller? Bah écoute Anne-Sophie, du bonheur, t'as été heureuse. Ah putain, oui. Nous allons jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde. Est-ce que t'es prête? Bah bien sûr. C'est le jeu des 5 mots. Attention, les règles, je les rappelle, sont importantes. Quelqu'un de l'équipe va sortir maintenant du studio. Ce quelqu'un, c'est celui qui n'est pas sorti de la semaine. Glandu. Ah, je suis trop chaud. Oh, baguette ouais. Attention. Ah, c'est bon, j'y crois. Attention, il est dans le studio. Il est dans le couloir. Il n'entend plus ce qui se passe. Anne-Sophie, ouais. Je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu vas me donner le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, Glandu revient. Je fais tout pareil avec lui. Et si vous avez un mot en commun, eh ben c'est gagné. Il suffit d'un seul mot sur 5. Ok Anne-Sophie ? Bien entendu. Allez. Concentre-toi, on joue ensemble au jeu des 5 mots. Parcours. Santé. Voisin. Soirée. Boue. Flac. Couple. Marié. Flamme. Feu. Alors là. C'est beau, hein. Alors là, là franchement, s'il se loupe. S'il se loupe, il est viré. On est vendredi, il peut pas. Attention, peut pas. On fait revenir Glandu. Alors Glandu, je veux pas mettre la pression, mais je viens de dire une phrase. J'ai dit, s'il se loupe, il est viré. Oh, t'es dur. Vas-y, ok. Non, je rigole. non, mais ok. D'un côté, Glandu, faut mieux m'offrir la Switch plutôt qu'être viré. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, voilà. On t'avait pas demandé la console de jeu que tu voulais gagner, c'est la Nintendo Switch. Ouais. Attention, dans quelques secondes, elle est peut-être à toi. Allez. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots, un mot en commun et c'est gagné. Ok. Parcours. Combattant. Non. Anne-Sophie avait dit santé, parcours santé, tu sais. Ah mais ouais. Tu sais, les trucs, on passe devant et on le fait pas, là. Ouais. Il reste 4 mots. Vas-y. Voisin. Maison. Anne-Sophie avait dit soirée. Soirée entre voisins. Bien sûr, ça se fait couramment. Ça marche avec n'importe quel mot. Hein. Ouais. Parpaing. J'ai des parpaings chez les voisins. Voilà. Ouais. Il reste 3 mots. Vas-y. Boue. Ficelle. Oh. Elle avait dit flac. Ah non, boue. Il y a boue avec un T, boue avec un E. Il y a boue avec un H aussi. Boue. On voit pas la vie par le même bout. Ouais, bah pour l'instant, c'est pas gagné. Non, vas-y. Allez, Glandu, pense-toi, Glandu. C'est que vous voyez le même bout. Attention, allez, il reste deux mots, Glandu. Vas-y. Couple. Célibataire. C'est quoi ? Anne-Sophie avait dit marié. Oh non. Glandu, je rappelle que j'ai dit si tu te plantes, t'es viré. Mais arrête, c'est pas évident non plus. Ouais. Un mot, Glandu. Allez. On y va. Ouais. Flamme. Feu. Oui. Ouais. C'est mon carton, quoi. Waouh. Wow. Glandu. Ah, mais tu m'as fait peur. Attends. On a le droit de crier, de déranger ses voisins ou pas? Oui, vas-y. Anne-Sophie. Merci, Glandu. Ah, trop cool, je suis trop content, Anne-Sophie, trop bien. La Nintendo Switch, elle arrive très vite pour toi, bravo merci à toi. Merci Manu, merci les Wawa, merci, c'est super, merci. J'ai l'impression que t'es un peu heureuse. légèrement. Bravo à toi. C'est super, merci. Le jeu des 5 mots, comme ça, merci. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est le meilleur jeu radio du monde. Il reviendra lundi à la même heure, on vous offrira encore la console de jeu de votre choix. On va s'écouter le nouveau David Guetta tout de suite, et juste après, on continue à parler des choses qu'on cache à notre partenaire. Ouais. Vous êtes en couple, qu'est-ce que vous ne dites pas? Qu'est-ce que votre mec, votre nana ne sait pas sur vous? Eh bien, venez nous le dire. Ouais. 0870 42 48, ou sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9, juste après la vie de Guetta. Bon réveil. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then sur Énergie, les 7h48, on va écouter Jane dans 3 minutes et on va doubler votre salaire à 8h05 pour la deuxième fois de la matinée. Mais avant ça, on continue à raconter, à avouer

loi qui doit ouvrir la PMA à toutes les femmes et plus seulement aux couples hétérosexuels. Les jours passent, le bilan s'aggrave. Près de 600 personnes sont désormais portées disparues en Californie où les incendies sont toujours pas maîtrisés. Le nombre de morts a aussi été revu à la hausse cette nuit avec 63 décès. 5000 pompiers sont toujours mobilisés sur place 24 heures sur 24. Du foot avec la victoire dans le viseur des Bleus ce soir, l'équipe de France se déplace à Rotterdam pour affronter les Pays-Bas en Ligue des Nations. Un match capital pour s'assurer la première place du groupe et passer au tour suivant. On s'attend malgré tout à une équipe assez remaniée après de nombreuses blessures. Nzonzi, Kimpembe et Digne devraient être titulaires au coup d'envoi. Pikachu ou Evoli, c'est à vous de choisir. Les Pokémon s'offrent un comeback événement sur Nintendo Switch aujourd'hui. Let's Go, c'est le nom de cette nouvelle version du jeu qui s'inspire largement de Pokémon Go avec un univers en 3D. Principale nouveauté, cette fois-ci, une manette en forme de Pokéball est vendue pour attraper les petites bêtes. Ils sont entrés dans la légende avec leur show démentiel. Les Britanniques de Muse vont faire honneur à leur réputation avec une nouvelle tournée mondiale prévue l'an prochain. Ils passeront par Marseille, Bordeaux et par le Stade de France au mois de juillet avec Énergie. La billetterie ouvre ce matin à 10h. Sur scène, Mathieu Bellamy et ses potes présenteront Simulation Theory, leur 8e album sorti depuis la semaine dernière. Voilà pour vos infos. En temps de Manu dans le 6-9 tout de suite. Bon réveil sur Énergie. Chaque jour, on est là avec vous, 8h05, ça sent le week-end qui arrive, les amis. Oui. C'est vendredi, on est 16 novembre, enfin week-end compliqué, et les gilets jaunes. Bah oui. Ouais. Attention, faites des réserves, faites des stocks, de la farine, du sucre, faites des gâteaux. C'est un beau message. Maître Game, ça arrive, il y aura aussi DJ Snake, on va doubler votre salaire dans quelques secondes. 8h05, c'est l'heure où les parents emmènent les enfants à l'école. Ouais. Écoutez cette histoire. En Angleterre, il y a une famille de 4 personnes qui arrivent hyper énervées dans un Domino's Pizza. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Domino's Pizza leur a livré une pizza tiède. Ah. Ouais. Et ils sont pas contents. Mais là, je parle de ils, les parents et les enfants. Ils sont 4. Et quand ils arrivent, Domino's Pizza leur dit bah, ils peuvent rien faire là. Et la famille ne veut rien savoir. Ils insistent pour avoir une nouvelle pizza. Ça ne marche pas. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'asseyent tous au milieu de Domino's Pizza et ils crient pizza chaude, pizza chaude, pizza chaude, pizza chaude, comme mais des non. enfants. Et ça a marché ? Et non, la police est arrivée. Ouais. Oh, mince. C'est vrai. Et oui. Oh là là. Il n'y en a aucun pour attraper l'autre. Aucun. Oh, d'accord. Non, les enfants à la limite, mais les parents. Pizza chaude. Parfait. Vous connaissez tous le hashtag. Vous savez ce que c'est qu'un hashtag ? Ouais, oui, bah oui. Eh bien, attention, je vais vous apprendre quelque chose. Et justement, si vous êtes en train d'arriver à l'école, vous allez pouvoir vous la raconter. Ah, classe. Ouais. Parce qu'en fait, le vrai nom de hashtag n'est pas hashtag. Ah ouais ? Si vous voulez donner le vrai nom technique de ce petit symbole, eh bien c'est un nyctotorpe. Waouh ! Un nyctotorpe. On dirait un animal. Ouais. Eh bien non, c'est le petit symbole, un nyctotorpe. C'est plus chiant à dire, quoi. C'est beaucoup plus long. Alors, si c'est chiant à dire, à la limite, on peut accepter croisillon. Ah bon ? Croisillon. Croisillon. Ah bon ? Ou mot dièse, ils avaient dit mot dièse. Ouais. Alors non, mot dièse, c'est de la connerie. Ah non ? Non, c'est faux. Non, le mot technique de ce symbole, c'est ictotorpe. Et à la limite, croisillon. On peut accepter croisillon. Okay. Mais c'est plus stylé hashtag, je trouve. Ouais, c'est plus classe. Ouais. On continue ? Bah oui, on continue. Oui. Moi-même, j'ai même oublié le vrai nom. Donc, la question ne se pose pas. Oui, on continue. Allez, 8h07, on double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Laura habite Beauvais, elle a 23 ans. Elle a été sur Manu dans le 6-9.com. Elle s'est inscrite en se disant « Oh, ça m'arrivera pas, il y a trop de gens qui s'inscrivent. » Eh ben, il y a trop de gens qui s'inscrivent, mais ça t'arrive ce matin, Laura. 1482 €, c'est son salaire. Eh ben, on va le doubler maintenant. On t'appelle Laura. Attention. Beauvais, allô, dans l'Oise. Laura, bonjour. Bonjour. Laura, j'ai une question à te poser, c'est pour ça que je t'appelle ce matin. Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Bonne réponse ! Ah bah tu peux être heureuse, tu peux chanter, tu peux crier, Laura. 1428 €, c'est ce que tu touches chaque mois. Ce n'est pas assez, il faut le doubler. 2856 €, ça arrive pour toi. Ah, c'est super gentil, merci. J'ai comme l'impression que ça tombe bien. Oui, bah oui, trop bien. Tu pleures un petit peu? Ah oui, je pleure déjà, je suis trop contente. Est-ce que t'as le nez qui coule? Oh, oh Manu. Oh non. Souvent quand on pleure, on a le nez qui coule. Ouais, tu sais draguer, toi, hein? Ah bah, c'est, hey, si je suis seul aujourd'hui, c'est que quand même, c'est qu'il y a des frères qui parlent, hein. Laura, on a doublé ton salaire, 2856 euros. Tu es grilladine à Buffalo Grill. Oui. C'est-à-dire que bah, c'est toi qui cuit les viandes, quoi. C'est ça. Oh là là. Waouh, trop bien. Buffalo Grill, quoi. Ouais. Ah ouais. Le western. Ouais. Les cowboys. Tu sais qu'on avait fait on avait fait un dîner, ouais, à Buffalo Grill. On avait même invité les auditeurs et tout. On avait fait un dîner là-bas une fois il y a un ou deux ans. Et t'avais appris à danser la danse country. Oui. C'était le truc de la soirée qui était en trop. Vraiment, c'était le truc. Mais Buffalo Grill, tu rentres, t'as l'impression d'être dans un saloon. J'adore les westerns. Ah ouais. Alors. T'as le totem à l'entrée, t'as la petite salle de jeu à côté des toilettes et tout. C'est tout. J'en ai un à côté de chez moi de Buffalo Grill. Ouais. Je pourrais habiter dedans. Carrément. Oui. Oh, tu peux manger dans des box, il y a la salade d'accueil, c'est la folie. Ah non, mais c'est la maison. C'est quoi, c'est Hollywood. Laura, on double ton salaire, 2856 euros. Bravo à toi. Merci beaucoup, merci. On t'embrasse fort et ça peut vous arriver vous aussi. Energie.fr ou Manu dans le 69.com ou même l'application Manu dans le 69. Vous pouvez vous inscrire et tous les matins, 7h05 et 8h05, on double votre salaire. On va s'écouter Maître Gims et juste après, c'est les concours du jour. Ouais. Parce que oui, il y a pire que nous dans le monde. Des gens improbables qui font des choses improbables, je vous raconte leurs histoires dans 3 minutes. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Assombrir ma vision, pourtant le soleil est présent. Les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je me rassois sur le divan, toujours la télévision. Obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge des sens. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. C'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire, c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire, c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire, c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. 8h13, bienvenue sur Énergie. On va s'écouter DJ Snake, ça arrive dans 3 minutes. Et puis, on va vous prendre au téléphone pour savoir quel est votre dilemme du moment. Mmh. On le fait régulièrement dans l'émission. Quel est votre choix? On a tous les jours des choix à faire. Mmh. Mais quel est votre choix du moment? Ça peut être un gros choix. Ouais. Mmh. Je reste avec ouais. Je le quitte. Oula, c'est un gros choix. C'est trop. Ou alors un petit choix. Est-ce que je mange un gâteau au chocolat ou une tarte aux fraises? Ça on préfère. Gros choix, mine de rien. Quel est votre dilemme du moment? 0870 42 48. Vous pouvez commencer à nous appeler. Avant ça, voici comme chaque jour les concons du jour, avec une nouveauté à la fin. Je le garde pour la fin. D'accord. On part d'abord en Vendée avec des gens improbables qui font des choses improbables. Écoutez bien, un homme est averti par la gendarmerie. Il est prié d'arrêter immédiatement d'envoyer des SMS insultants à son ex. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il en envoie d'autres à la mère de son ex. Le mec, il ne veut rien lâcher. Donc du coup, la gendarmerie le prévient à nouveau. Vous ne devez pas non plus envoyer des messages insultants à la mère de votre ex. Du coup, qu'est-ce que le mec a fait? Il a envoyé des SMS insultants aux gendarmes. Mais non. Il a été arrêté. C'était pas la meilleure solution. Oui, ne lui rendez pas son portable, surtout pas. Non. Au Japon, le ministre de la cybersécurité fait le buzz là-bas pour deux raisons. La première, il ne sait pas comment on met une clé USB sur un ordinateur. Non. Véridique. Voilà. La deuxième, il a avoué qu'il n'avait jamais utilisé d'ordinateur de sa vie. Et c'est le ministre de la cybersécurité. Alors il risque sa place quand même pour ses révélations, un petit peu trop honnêtes du coup. Il y a des chances qu'il ait été pistonné pour le poste. Peut-être. Troisième concon du jour. Écoutez, c'est une nouveauté. Parce que c'est pas un concon qui est passé dans les infos, qu'on a trouvé sur internet. C'est un concon que vous nous avez envoyé. Génial. Sur l'application Manu dans le 6-9, écoutez, l'une d'entre vous nous a envoyé ce message. Coucou Manu. Alors moi, dans la fac où je bosse en pharma, t'as deux étudiants qui ont plagié des comptes rendus de TP sur leurs copains de l'année d'avant. Sauf que ces deux concons, ils ont laissé le nom des copains. Ils ont oublié de mettre le leur. C'est pas génial. Les mecs, ils recopient la copie, mais ils recopient tellement sans penser qu'ils mettent les noms. Les noms des mecs. C'est génial. Si vous avez des concons autour de vous, n'hésitez pas. Vous nous envoyez des messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9. On vient tout de suite. On va écouter DJ Stack avec Selena Gomez. Bon réveil. Bienvenue sur Énergie. C'est le week-end. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est Manu dans le 6-9. Help me, it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. maintenant c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. 8h19, juste après DJ Snake et Selena Gomez. On vous prend au téléphone au 0870 42 48. Vous nous racontez votre dilemme du moment. Quel est votre choix du jour à faire? Bon réveil. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki, taki taki. Tienes un besito o un naki. Puya flota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. No le va el va. Touch it and tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. The work could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, yeah, my talkie talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Bienvenue sur Énergie. The Prince Karma arrive pour vous. C'est dans 5 minutes, ce sera juste après les infos. Avant ça, on parle de dilemme. Ouais. De dilemme, de choix à faire. Quel est votre dilemme du moment? On a Audrey qui est là au téléphone. Bonjour Audrey. Salut Manu, salut les wawas. Salut. Coucou. Bienvenue parmi nous Audrey. Quel est le choix que tu dois faire en ce moment qui t'empêche de dormir? Bah, alors voilà, avec mon mari, on est en train de construire une maison. Et là, on doit choisir dans la salle de bain ce qu'on met, une douche ou une baignoire. Ah. Alors, je vais te dire un truc. Ah. Bon, je suis séparé. Est-ce qu'il y a un rapport? Je ne sais pas. Mmh. Mais quand on en mélangeait, on a eu le même truc que toi, la même question. Mmh. Et donc, mon ex voulait absolument une baignoire. Ouais. Ouais. En 7 ans, elle s'en est servie 3 fois. C'est ça. Ouais, c'est oui, ça. Mais bon. C'est pas oui, mais bon, quoi? C'est 3 moments sympas. Temps, on peut. Oui, de temps en temps, mais trois fois en 7 ans, le rapport investissement-résultat, il est pas au top quand même, non? Ouais, mais l'avantage avec la baignoire, c'est que t'as la possibilité de le faire. Tu le fais pas forcément, mais tu sais que tu peux, alors qu'une douche... Eh bah, ben, on va se construire dans un parc aquatique aussi. On a la possibilité de le faire. Ouais. Mais aussi, Audrey, si jamais t'as des enfants ou tu comptes faire des enfants, c'est bien la baignoire pour les bains le soir. C'est exactement pour ça que moi, je veux une baignoire. Ah, voilà. Mon mari, lui, dit que ça sert à rien, qu'on va prendre trois bains en 7 ans, comme dit Manu. Donc voilà. Il est intelligent ton mari, je trouve. Tu sais quoi? Je vais te dire un truc, t'es une femme de goût, Audrey. Paulette. Mais même si tu prends pas de bain, en fait, tu t'assois dans la baignoire. Tu peux, dans une douche, tu t'asserras jamais. C'est, c'est vrai que souvent, quand je suis chez moi, je me dis, où est-ce que je peux m'asseoir? Ah bah tiens, je vais aller m'asseoir dans la baignoire. Ça fait longtemps. Merci de nous avoir appelé, Audrey. Belle journée à toi. Quel est votre dilemme du moment, Isabelle? Oui, c'est mon prénom. D'accord. Non, j'ai cru que t'avais hésité avant de dire mon prénom. Non, parce que je savais pas vers qui j'allais aller. Okay. Moi, je me demande en fait ce que je vais faire passer en premier, ma pile de papier à trier ou ma pile de linge à repasser. Ouais, voilà. Et ça c'est un du dilemme fun, ça. Ça si c'est, si ça c'est pas un bon dilemme cool. C'est vrai. Qu'est-ce que je fais en premier? Je repasse ou je trie? Ouais. Moi je vais aller jouer aux jeux vidéo. Oh non. Merci Manu. Je t'en prie. Amélie, bonjour. Salut Manu, salut les wouah. Bienvenue sur Énergie. Quel est ton dilemme du moment? Eh ben moi, écoute, pour Noël, j'hésite entre une tenue sexy pailletée ou alors un pull en laine bien kitsch avec des flocons de neige ou un beau renne. Enfin, le truc que tu vois dans les films américains, quoi. Alors, mais c'est pour une soirée de Noël, c'est un dîner de Noël en famille, ben, ou c'est pour sortir? Le dîner de ouais, le dîner de Noël en famille. Ah, ouais. Ça dépend. Il y a des gens qui trouvent ça rigolo, le pull moche. Le plus vexant, c'est quand quelqu'un arrive avec un pull, il dit « Ah, t'es dans le thème !» et qu'il fait « Ah non, je... » Mais il faut faire gaffe à ça. Quel est votre dilemme du moment? Merci de nous avoir appelé, Amélie. Glandu, t'en as un? Ouais, est-ce que je passe mon permis moto ou mon permis bateau? Oh. J'hésite entre les deux, j'aurais pas le temps d'être moi de faire les deux et j'hésite entre les deux. Alors déjà, je suis heureux de savoir que t'as assez économisé. Ouais, permis bateau, j'avais eu un bon. Mais moi, je suis motard, donc je te dirais, passe le permis moto, que c'est quand même plus utile que le permis bateau, quoi. C'est ce que je me dis. C'est un peu ce que je me dis, que la moto va plus me servir au quotidien. C'est rare que je prenne mon bateau pour aller bosser. Après, tu peux essayer de venir ici en bateau, mais ça va être sur la route, franchement, ça va être chelou. Ouais, non, mais Glandu, t'as déjà un scooter. Le permis bateau, justement, c'est le partage. Quand tu pars en vacances, c'est toi le capitaine. Je vais faire le vieux con, mais moi, j'avais un scooter avant. J'ai passé moto et quand j'ai passé permis moto, vraiment la première réflexion que j'ai fait, j'ai dit putain, en fait je savais pas conduire. Mais c'est pas pour rien qu'il y a un permis moto. Oui. Mais non, mais c'est vrai. Bah alors pourquoi il y a pas un permis scooter? Et ben il y a théoriquement 24 heures le scooter, mais tu sais pas piloter, tu passes pas ton code quand t'as un scooter. Ah oui, tu passes. Bah oui, donc tu sais déjà, tu connais pas les panneaux, tu sais pas comment. Enfin bon, il y a plein de trucs dans le permis moto. Là, je vais faire le vieux relou. Mais donc c'est niveau sécurité quoi, plus moto, je dirais. Ah bah oui, niveau sécurité. Ouais. Moi, je t'imagine plus Glandu sur un bateau quand même. Ah ouais, c'est vrai. Cool. C'est vrai que j'ai un peu un look de capitaine. Ah mais tu sais quoi, passe ton permis bateau, puis ensuite tu vas regarder le prix des bateaux et tu vas faire j'aurais mieux fait de passer le permis moto. Voilà, et fais-toi plaisir, hein, vraiment. Ça c'est The Prince Karma, ça arrive pour vous sur NRJ juste après les infos. Il est 8h26, soyez les bienvenus, on revient tout de suite. À tout de suite. Manu dans le 6-9. C'est l'histoire de Manu sur NRJ. Dès que vous entendez le double hit NRJ avec deux titres de David Guetta à la suite, appelez NRJ 3937 et gagnez votre voyage, votre fête et votre rencontre. Avec David Guetta à New York. Energy, hit music only. Sephora. C'est Black Friday avant l'heure chez Sephora et c'est complètement dingue. Nos parfums et coffrets parfums sont à moins 30%. Alors n'attendez plus. C'est le moment de vous enivrer de nos fragrances irrésistibles et d'attirer toutes les convoitises sur vous. Mais attention, vous n'avez que jusqu'au 26 novembre pour profiter des moins 30% et céder à vos coups de cœur parfumés. À très vite chez Sephora. Voir conditions en magasin et sur sephora.fr. Sephora, au cœur de la beauté. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Incroyable! Les jouets garantis les moins chers de France sont chez Carrefour. Et en plus, il y a 15 euros en bon d'achat tous les 50 euros d'achat sur tous les jouets. Résultat des courses, les meilleures économies, c'est chez Carrefour. Hein, Père Noël? Jusqu'à demain dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 15 euros en bon d'achat tous les 50 euros d'achat sur tous les jouets. Carrefour. On vous rembourse deux fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs, limité à 150 euros d'achat hors console, jeux vidéo, accessoires, cycles et trottinettes. Voir produits concernés et modalités sur carrefour.fr. Ne manquez pas la Black Friday Week sur Amazon à partir du 19 novembre avec des ventes flash pour toutes vos envies. Pour vos cadeaux de Noël ou simplement pour vous faire plaisir, nous avons ce qu'il vous faut. Profitez de prix bas et de la livraison gratuite sur des millions d'articles. La Black Friday Week sur Amazon, c'est du 19 au 26 novembre. Livraison gratuite en France à partir de 25 euros d'achat d'articles éligibles, expédiés par Amazon. Voir les conditions sur Amazon.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron? T'es chez Lidl? Ah oui, et là ils mettent l'accent sur la mâche. Aujourd'hui et demain, la barquette de 150 grammes de mâche à grande feuille est à 99 centimes. Quoi? 99 centimes la barquette de mâche? Moins d'un euro? Là je me fâche, hein? Ah oui, mais c'est le vrai prix, hein? Et permettez-moi de mettre l'accent sur l'origine France, bien sûr. C'est ça, ouais, continue à mettre l'accent. Ah, on est mal, hein? Oui, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 6,60€ le kilo, catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des Frais à collectionner dans votre supermarché. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. avec le mois Carrefour Market, c'est le best-of du promo. Vous savez que votre boucher Carrefour Market est un véritable génie. Ah oui ? Pourquoi Michel ? Je lui ai dit que je voulais une viande tendre et fondante qui fera l'unanimité auprès de toute la famille. D'accord. Et qu'est-ce qu'il vous a proposé ? Un magnifique faux filet Origine France. Ah, et il vous a dit que jusqu'à demain, pendant le mois Carrefour Market, le kilo de faux filet à griller est à seulement 10,90 €. Évidemment, je vous ai dit que c'était un génie. Carrefour Market. Viande bovine, la barquette de 4 pièces minimum. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Une fois que j'aurai changé la robinetterie et le sèche-serviette de ma salle de bain, je vais devoir renoncer à ma double vasque. On vous répond, c'est le moment de tout changer. Jusqu'au 18 novembre, bénéficiez de 10 € offerts en carte cadeau par tranche de 100 € sur tout l'univers salle de bain à partir de 300 € d'achat. Dépêchez-vous, c'est le dernier week-end pour en profiter. Leroy Merlin, et vos projets vont plus loin. Voir conditions en magasin. Pouvez-vous lire la ligne 6 ? Alors je vois un J et un I. Ah non, c'est un J. Aujourd'hui, grand J Brio chez Jouet Club. 20% de remise immédiate sur tout. Oui, sur tous les jouets Brio sans exception. C'est seulement aujourd'hui chez Jouet Club. Voir conditions en magasin. Alors, on fait un brushing cette fois ou bien on les laisse naturels ? Moi je préfère quand c'est... Discount, je dois filer. Aujourd'hui, la barquette d'un kilo 5 d'escalope de dinde d'origine France est à 8,69 € chez Netto. Alors ça décoiffe. Netto, le discounter qui fait la différence. 1 kilo 5 environ, soit 5,79 € le kilo, modalité sur netto.fr. Boulanger. Le match commence dans moins d'une minute, j'ai trop hâte. Ah ouais, moi aussi. Vas-y, allume l'ordi. Ça va, on a le temps. L'ultra portable Acer Swift 3 SF314 s'allume en quelques secondes. Commandez-le en ligne, il est prêt en une heure en magasin. Boulanger, si bien ensemble. L'Acer Swift 3 SF314 14 pouces avec processeur Intel Core i5 est à 599 € chez Boulanger. 36 centimes d'éco-participation, conditions en magasin et sur boulanger.com. Intermarché vous propose d'écouter l'arrivage du week-end. Saint-Jacques a dit, faites le kilo de coquilles à prix coûtant. Saint-Jacques a dit, courez les chercher. Dès aujourd'hui, les coquilles Saint-Jacques pêchées en Atlantique Nord-Est sont à prix coûtant. C'est ça, être producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Coquilles Saint-Jacques Pecten Maximus, dans les magasins équipés d'un rayon marée traditionnel. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h31, les infos arrivent dans quelques secondes. Mais avant ça, le son à 10 000 euros. Le son à 10 000 euros. Depuis lundi, il n'a toujours pas été trouvé. À 8h30, je vous fais écouter un son. Juste avant les infos. Ce son, vous le découvrez. Vous gagnez 10 000 euros. Chaque jour, vous avez 3 possibilités. 0 870 42 48. Trois possibilités de gagner. Écoutez bien le son à 10 000 euros. C'est rapide, hein ? Ah ouais. Je vais vous faire écouter. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a que moi qui sais ce que c'est. Il n'y a que moi qui l'ai enregistré. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous gagnez 10 000 euros si vous le découvrez. Vous nous appelez maintenant au 0 870 42 48. Et vous savez quoi ? C'est vendredi, c'est le week-end. Au lieu d'avoir 3 chances, vous allez en avoir 5. Ah, oh, trop bien. 5 chances aujourd'hui, c'est parti. Le son à 10 000 euros. Découvrez-le et gagnez 10 000 euros. Peut-être vous dans 2 minutes, juste après les infos. Toute l'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. La France coupée en deux ce matin avec beaucoup de soleil au sud, mais une épaisse couche de brouillard sur la moitié nord. Ça va finir par se décanter quand même cet après-midi. La grisaille persistera malgré tout de la Normandie à l'Île-de-France et tout le long de la Loire. 12 degrés attendus à Dijon aujourd'hui, 15 à Brest, 19 à Toulouse, 20 degrés à Toulon. Ce week-end, le soleil va largement s'imposer. Et dans l'actu ce matin, la France à la veille d'un blocage total. C'est en tout cas ce qu'espèrent les gilets jaunes mobilisés demain dans tout le pays. Selon le dernier recensement, près de 1500 actions sont prévues et on peut s'attendre à des routes entièrement bloquées. Un appel au boycott est également lancé dans les supermarchés. 2 Français sur 3 soutiennent le mouvement d'après un sondage. Des routes plus sûres ou des comportements moins dangereux au volant. Dans tous les cas, la mortalité a encore reculé au mois d'octobre. Moins de 14% de décès en l'espace d'un an, même si les chiffres restent dramatiques. 275 personnes ont perdu la vie, principalement des piétons ou des motards. Le PSG a tenté de minimiser l'affaire. Les révélations continuent dans le scandale des fiches ethniques utilisées pour classer les jeunes footballeurs selon leurs origines. Le club parle d'une initiative personnelle qui n'aurait duré que 5 ans jusqu'au printemps dernier. Mais dans son édition d'hier, le journal L'Équipe précise que ce système était en place depuis 2002 sous la forme d'un logiciel et qu'il concernait en réalité tous les recruteurs d'Île-de-France. Du foot toujours, mais sur les terrains, cette fois Pays-Bas-France, c'est l'affiche de la nouvelle journée de Ligue des Nations ce soir pour les Bleus. L'équipe de France se déplace à Rotterdam pour peut-être s'assurer la première place du groupe et passer au tour suivant. Il y a aussi un rendez-vous important pour le 15 de France. Demain, les Bleus du rugby affrontent l'Argentine après leur défaite sur le fil contre l'Afrique du Sud. Coup d'envoi de la rencontre à 21h au stade Pierre Mauroy à Lille. Ce n'est pas vraiment un nouvel album, mais c'est tout comme. Cette nuit, Aurel San a dévoilé 11 nouveaux titres pour la réédition de son disque La Fête est finie. On y retrouve évidemment Paradis, la première vraie chanson d'amour du rappeur normand. Un titre assez déroutant avec son flow si particulier. En fait, ce que je voulais, c'est que la chanson soit vraiment au premier degré et que genre, je voulais montrer que ce que je racontais était un amour tellement pur qu'il n'y avait pas besoin d'artifice. C'est pour ça que j'ai une voix un peu très sérieuse, très molle. Et puis aussi, la chanson, elle parle du moment où tu es dans le lit à côté de quelqu'un. Je trouvais que l'ambiance un peu feutrée, premier degré, j'avais envie qu'on ait l'impression d'entendre une vérité pure, tu vois. J'ai essayé plein de versions de cette chanson, en plus j'ai essayé des versions plus chantées, plus... et c'est celle-là que je préférais, quoi. Voilà, Aurel San de retour avec la réédition de son album La Fête est finie. Il est en tournée également encore pendant 3 semaines. Il terminera ce tour à Paris les 5 et 6 décembre à l'Accor Hotel Arena. Voilà pour vos infos. Manu de retour dans le 6-9 tout de suite sur Énergie. Bon réveil. Bon réveil, bienvenue sur Énergie. Il est 8h35, ça veut dire qu'il nous reste une heure. Ouais. Et on va en profiter de cette heure. Ah ouais. Parce qu'on va démarrer avec The Prince Karma dans 2 minutes. Et avant ça, on a 10 000 euros pour vous. Le son à 10 000 euros. Il a toujours pas été trouvé depuis lundi. Tous les matins, on vous fait écouter un son. Ce son, si vous le découvrez, il vaut 10 000 euros. Je vous le fais réécouter à nouveau. Encore. Encore. Quel est ce son ? Il vaut 10 000 euros. Chaque matin, vous avez 3 possibilités pour gagner ces 10 000 euros. Aujourd'hui, on monte. 5. Wow. Ah, c'est sympa. Allez. 5 chances de gagner. Je vous rappelle que je ne frappe pas sur une touche de clavier d'ordinateur. Mmh. Ouais. Ce n'est pas le bruit d'un œuf qui tombe par terre et je n'appuie pas sur le bouton d'un appareil photo jetable. Okay. Ce sont quelques-unes des propositions qui ont été faites depuis lundi. C'est parti. Anne, bonjour. Bonjour, salut l'équipe, salut Manu. Salut. Bienvenue sur Énergie, Anne. Tu gagnes 10 000 euros si tu me dis quel est le son. Alors, pour moi, c'est toi, Manu, qui appuies sur un bouton pour lancer un jingle. Oh, c'est très précis. Ah. Il faut être très précis. Mais c'est pas cette précision-là. Ah, tant pis, c'est pas grave. Tu me rappelles quand tu veux, Anne. Bonjour, Laura. Salut, Manu. Salut, les Wawas. J'ai 10 000 euros pour toi. Je te fais réécouter le son. Écoutez bien. C'est quoi, Laura ? Alors, Manu, je pense que tu débranches une prise. Ah... Oh. Hein ? Ouais. Oh non, c'est pas ça. Alors non. Merci. Parce que quoi ? Mon silence est un indice. Ah bon ? Mais non. Je peux pas vous en dire plus. Oh. Merci de nous avoir appelé, Laura. Tu peux, n'hésite pas à nous rappeler. Dylan, bonjour. Bonjour. Salut Manu. Salut les Wawa. Dylan, 10 000 euros pour toi si tu découvres le son à 10 000 euros. Alors pour moi, Manu, ce serait toi en train d'ouvrir une canette de soda, genre Coca ou autre. Ah. Attention, moi qui ouvre une canette de soda, mais quel soda ? Ben, Coca-Cola, je dirais. Okay. Le premier. Coca ou Coca Light ou Coca Zéro ? Non, Coca normal, c'est meilleur. Je suis désolé. Ah, bah, tant pis. Est-ce que tu t'es trompé sur le soda, sur le style ? Je ne sais pas. Ce n'est pas ça, Dylan. Chaque jour, 3 possibilités, 3 chances de gagner 10 000 euros, mais ce matin, on continue. Ah, c'est ouais. Chouette. Ah. Allez, Sophie, bonjour. Salut Manu. Sophie, quel est le son à 10 000 euros ? Je te le fais réécouter. C'est quoi ? Alors, je pense que tu verrouilles ton téléphone. Oh. Et genre, il y a un petit bruitage pour verrouiller. Ouais. Et exactement. Bah, Sophie, je suis désolé, c'est pas ça. Aïe. J'avais dit 5 chances, il en reste une. Allez. Lorraine, avant le week-end, fais-toi plaisir, gagne 10 000 euros. Bonjour à toi. Salut l'équipe, salut les ouin-ouin. Alors. Alors moi je pense que Manu, tu bricoles avec un pistolet à clous sur une planche. Oh, c'est précis. Ah ouais. Je bricole avec un pistolet à clous sur une planche. Oui, c'est des pistolets pneumatiques. Ouais, ça fait ça. Oui. Écoutez bien. Ah oui. Ah, on dirait. On dirait. Mais c'est pas ça. Dommage. Mais c'est pas grave. Franchement, vous êtes pas mauvais parce que vous avez compris le principe. Ouais. C'est ultra précis. C'est dur. 5 chances, on avait dit. Allez, il y a encore du monde. Allez. Marine ? Oui, bonjour. Bonjour à toi, Marine. Tu sais quoi, c'est cadeau. Encore une chance ce matin. Allez, 10 000 euros pour toi si tu trouves le son. Je t'écoute. Alors, moi, je pense que c'est toi, Manu, qui décapsule une bière avec un briquet. Ah. Alors, non, pour la simple et bonne raison que je ne sais pas le faire. Marine, tu peux nous rappeler le son à 10 000 euros. Reviens lundi. Le son à 10 000 euros. Découvrez-le et gagnez 10 000 euros. Je sens qu'encore une fois, il va vous rendre dingue. Ah ouais, c'est 10 000 euros. 10 000 euros à gagner. Les sondages du matin arrivent dans 3 minutes, juste après The Prince Karma sur Énergie. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Sur Énergie, on va écouter le dernier Dadju. Ça arrive dans 3 minutes, ce sera juste après les sondages du matin maintenant. Et c'est le week-end qui arrive, nous allons en parler. Quel va être le moment que vous attendez ce week-end? C'est un truc qu'on fait régulièrement dans l'émission, mais là on va rajouter autre chose. Mais quel va être le moment que vous redoutez? Ah oui. Vous nous dites le moment que vous attendez de vivre ce week-end. Ah, vous êtes content, c'est le week-end, il y a ça. Et après, ouais, mais il y a ça aussi. Dommage. C'est con. Ok. C'est mal. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Voici les sondages du matin comme chaque jour. En moyenne, une femme en aura 25 dans toute sa vie. Une femme aura 25 quoi ? Des coupes de cheveux ratées. Tu veux nous faire passer un message ? Non. Tu veux nous demander notre avis ou... Non, je préfère pas la Manu. Alors c'est pas ça. Des meilleures copines. Des meilleures copines, non. C'est humain ou c'est un objet ? C'est un objet. Des parfums ? Non. En moyenne, une femme en aura 25 dans toute sa vie. C'est cosmétique ou... Non. Non, genre maquillage, tout ça, non, pas du tout. Okay. C'est un accessoire ? Oui, c'est un accessoire. Un porte-monnaie ? Non. Le sac à main ? Le sac à main. Ouais. Ah oui. C'est trop... En moyenne, une femme aura 25 sacs à main dans sa vie. Oh, c'est vraiment une moyenne alors, hein ? Parce que, enfin, moi, personnellement, mais j'ai des potes qui ont plus de 25 sacs hein, quand même. Hein, ah oui. Déjà maintenant, là, si tu veux. Ah oui. Vous les mettez où ? Ah ben, on sait plus où les mettre, justement, c'est ça le problème. Moi, je les cale un peu partout, sous le lit, y en a dans le salon, sous le canapé. C'est marrant. Moi, j'ai un sac à dos et j'ai le même depuis 10 ans. Ah voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Basique. C'est marrant. Oui, mais il va avec toutes tes fringues. C'est ça le problème. Alors, je me suis jamais posé la question de mon sac à dos qui va avec mes fringues, je t'avoue. Tu sais, elles ont plein de tailles, tu vois. C'est comme les poupées russes. Elles rangent un sac à main dans un autre sac à main et de plus en plus petit, tu vois. Et donc, vous me fatiguez. On passe à un autre sondage. Ouais. Chaque année, 7500 personnes dans le monde se blessent en le faisant. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être justement en cherchant un truc dans leur sac. Non. C'est un truc qui se fait à deux ? Tu peux le faire tout seul, ou à deux, ou à trois, ou à quatre, ou à cinq, même à six. Ah ok. Ah, ouais ? Oui, alors c'est difficile de le trouver, je vais vous donner un indice. Ça a un rapport avec le moment qui arrive. Le moment qui arrive ? Le moment qui arrive. Noël ? Ça a un rapport avec Noël ? Ça a un rapport avec Noël. Ah ouais. Alors, c'est facile. Bah oui. 7500 personnes dans le monde se blessent en le faisant. En mettant la guirlande de Noël. En décorant le sapin. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et ouais, tu veux monter, le classique, hein, tu veux mettre l'étoile en haut là. Ah oui. Tu montes sur la chaise qui, tu sais qu'elle tient pas très très bien. Quelqu'un te dit tu veux que je te tienne, fais non, pas la peine. Ouais. Et tu te blesses. Ouais. 13% des hommes ne donneront pas suite à un premier rendez-vous si une femme le fait au restaurant. Si elle fait quoi au restaurant ? Piquer dans son plat. Ça sort du cœur, hein. Il faut pas le faire. Alors c'est pas ça. Non. Si elle veut faire pipi. Non plus. C'est un rapport avec le plat. Ah. C'est un rapport avec les plats. Ah, si elle fait quelque chose dans son plat en particulier. Non, c'est pas ça. Si elle prend un plat un peu dégueu, genre une choucroute. Choucroute. Ouais. Non. Si elle est végétarienne. Non plus. Si elle finit pas son assiette. 13% des hommes ne donneront pas suite à un premier rendez-vous si une femme au restaurant commande le plat le plus cher. Oh. Ah. Bah les radins. Ouais. Bah non. Bah pourquoi tu prends le plus cher ? Tu prends celui que tu veux à partir du moment où on t'invite. Tu regardes quand même. Ouais, c'est ça. Ah. Tu sais qu'elle va te coûter bonbon par la suite, quoi. Oh, mais que. Oh là là. Et c'est les deux célibataires qui parlent. Hein. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais et c'est les deux plus riches du coup. Bien sûr. On a gagné. 8h46. Quel est le moment que vous attendez ce week-end et quel est le moment que vous redoutez ce week-end ? 0870 42 48. On vous prend au téléphone juste après Dadju, c'est Lyon sur Energy. Un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Jamais son dernier mot. Nanana. Et tu peux lire sous ses paupières déterminée. Elle agit, elle ne part pas. Y'en a pas, mais si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer. Lyon. Très bien comment gérer sa vie. Charismatique, elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Nanana. Elle dit jamais son dernier mot. chaque problème s'en sort. Elle m'a tout assumé. Bienvenue sur Énergie, 8h50. On va écouter Calvin Harris, il y a aussi 3 cafés gourmands. Ça, ça lance le week-end. On veut du Claudie Musette. Ça va arriver. Mais avant ça, on parle de l'autre week-end. Quel est le moment que vous attendez ce week-end? Mais en même temps, quel est le moment que vous redoutez ce week-end? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Nico, tu veux parler de ton week-end? Ouais, je suis trop content parce que pour la première fois ce week-end avec ma femme, je garde ma nièce. Donc ça le bébé? Ouais, ouais. De 3 mois là, donc du coup ça fait 2 mois et demi, donc du coup ça nous fait un peu l'entraînement. Et t'es content de ça? Ah franchement, je trouve ça trop cool. Tout le week-end? Ah ouais, celui, ouais, t'es pas seul, t'es à deux, donc tu sais que tu, si tu fais une connerie, elle est là quoi. Voilà, et c'est justement le problème, je pense, de ce que je peux redouter dans mon week-end. C'est que du coup ça peut aussi vite déraper avec ma femme qui m'engueule parce que je suis naze là-dedans. Mais non. Et mais tu sais, mais garder, quand t'es en couple depuis longtemps et que tu gardes le bébé de quelqu'un. Ça peut être révélateur. Ah bah oui, c'est ouais, bah, peut-être que vous allez vouloir faire un bébé après. Hein. Ah oui, bah ça c'est ce serait le bon côté, j'aimerais bien moi. Ah, génial. J'aimerais bien que ça nous lance et qu'on se dise putain, on est capable. Ouais, vous avez commencé déjà à en parler? Ah, on commence à en parler. On n'a pas commencé. À... Il faudrait qu'on s'entraîne un peu. Et... Je voudrais qu'on le fasse un peu plus souvent. Je glisse le message. Bah, le truc, c'est toujours, ça commence à. Bon, à partir de maintenant. Ouais. J'arrête la pilule. Ouais, non, pas encore. Là, on arrive. Justement, je pense que ce week-end va être l'étape. Ah, c'est génial! Et si on s'engueule quand on garde le bébé? Si jamais vous décidez d'en faire un, vous nous tenez au courant. Chaque matin, tu lui dis. Alors, hier, on a fait l'amour. Attends, un reportage. Mais oui, parce qu'on saura exactement. Ouais, c'est ça. On pourra dire quasiment, on était là. Ah, bah ouais. Oh, c'est glauque. T'es lourd. Quel est le moment que vous attendez ce week-end et en même temps, quel est le moment que vous redoutez un peu, Paulette? Je rencontre le nouveau mec de ma sœur. Donc ça, c'est mon super moment du week-end. Je suis trop contente. Oh là, moi, ça me mettrait la pression, ça. Bah pourquoi? C'est ton nouveau mec. Si tu l'aimes pas. Ah bon, non, mais je vais l'aimer. De toute façon, j'aime tout le monde. Par ce principe, et tout va bien. Ok, oui, c'est vrai. C'est vrai que, en fait, le truc, l'avantage d'être dans la tête... Il y a beaucoup d'inconvénients, honnêtement, à être dans la tête de Paulette. Oh oui, mais il y a un avantage... C'est que en fait tu ne te poses pas plein de questions que les autres se posent. Non, c'est vrai. C'est que la vie glisse sur Paulette. Exactement. Mais en fait elle a un imperméable et tout glisse sur elle. Elle prend tout bien. Un imperméable d'amour finalement. Mais bien sûr. Non, mais en plus ce qui est génial c'est que son nouveau mec tient un bar. Donc ça je trouve ça trop stylé. Bingo. Ok. Non mais un bar trop cool et tout, je pourrais y aller avec mes copines. Oui, on a compris. Et le truc chiant de mon week-end c'est qu'il y a mon proprio qui passe dimanche pour réparer une fenêtre. Ce qui veut dire que je vais devoir ranger. C'est bien ça plutôt. Ben non, je vais devoir ranger tout l'appartement parce que le proprio aussi voit le bordel de mes fringues dans la chambre et va se dire que j'ai un problème. Mais tu penses que c'est le pire moment, mais ça se trouve ça sera le meilleur moment parce que tu vas voir que en fait ranger ta maison c'est comme ranger ta tête et donc tu vas te sentir mieux, Paulette. Oh, ça m'a déprimée. Ah, j'en suis sûre. Non mais attends, franchement, qui a envie de ranger la tête de Paulette? Honnêtement, franchement, même les pompiers. Hein. Oh là, non, c'est impossible. À la limite, la ranger dans un placard. Non, arrêtez maintenant. Je sais pas, quand tu veux ranger Paulette, tu fais comme quand tu reçois des gens à l'improviste, tu mets tout sous le canapé. C'est dégueulasse. Non, c'est pas cool. On a Julien avec nous. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Énergie Julien. Merci. Quel va être ton moment du week-end, celui que tu attends, et quel va être celui que tu redoutes un peu? Alors le moment que j'attends, c'est mon après-midi Red Dead de demain avec mon pote parce que je viens d'acheter le jeu. Alors attends, il faut vous expliquer parce que Julien, je vois dans le studio, on a perdu tout le monde. Red Dead, c'est l'abréviation de Red Dead Redemption 2, qui est un jeu vidéo qui est honnêtement le jeu vidéo du moment. On en a parlé, c'est un jeu où t'es un cow-boy. Ouais. Et globalement, tu peux faire ce que tu veux dans un monde ouvert. Franchement, c'est génial. Ouais. Et ce jeu, mais c'est pour ça que Julien, il dit, je vais y passer une après-midi. Tu ne peux pas jouer une heure. T'es obligé de passer au moins 4 heures à jouer dessus. Oh, ouais. Oh l'angoisse. Wow. Mais parce que t'es à cheval, faut faire du chemin, quoi. Ouais, c'est bien. Non, mais vraiment, je comprends que c'est le meilleur moment de ton week-end, Julien. Ouais. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que tu redoutes? La dispute du samedi soir. Alors, pas à cause de Red Dead, hein, mais parce que c'est soit Danse avec les Stars, soit France-Argentine. Ah oui, il y a foot. Non, rugby. Non, rugby. Et c'est foot, c'est ce soir. Ouais, foot, c'est ce soir. Ah, c'est France-Pays-Bas. Non, France-Pays-Bas. Ah, il y a du rugby aussi samedi. Ouais. C'est ça. Ah ouais. Oui. Donc il va falloir savoir qui choisit le programme. Ah. En tout cas, ça va être une sale journée pour ta copine, quoi. Entre les jeux vidéo et le rugby du soir. Si j'arrive à gagner, oui, c'est sûr. Mais... alors, comment vous décidez, c'est intéressant, comment vous décidez dans le couple qui va choisir ? France-Argentine, c'est à 20h50, ça commence avant, j'ai gagné. Génial. Ah, j'y crois pas. Oh, l'excuse. C'est dégueulasse. Ouais, bon. Franchement, j'en ai vu des trucs pourris, mais alors celui-là. Merci de nous avoir appelé, Julien. Il y a pas de quoi. Belle journée à toi et bon week-end. Et puis tu nous rappelles lundi pour nous dire si t'es toujours en couple. 8h54. On va revenir tout de suite. On va écouter Calvin Harris sur A3 Café Gourmand. Les infos, c'est à 9h et à 9h10. Dans un quart d'heure. Les infos de Glandu. Du lundi au jeudi, il répond aux questions que personne ne se pose, mais le vendredi, il répond à vos questions que vous lui posez sur l'application Manu dans le 6-9. Vous envoyez des messages vocaux. A tout de suite. Manu dans le 6-9. On est vendredi, tout est permis. Sur Énergie. Votre radio préférée. Vos hits préférés, ici. Ici, c'est Énergie. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. No promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight, tonight, daki daki, daki daki rumba. Hits music only. Nocibé. Incroyable, c'est déjà Black Friday chez Nocibé avec des offres de dingue tous les jours. Aujourd'hui seulement, deux ventes flash à moins 40%. Le parfum Pure XS Forer de Paco Rabanne 50 ml et le stylo touche éclat Yves Saint Laurent. Oui, moins 40%. Dépêchez-vous et à demain pour deux nouvelles offres exceptionnelles chez Nocibé. Nocibé, la beauté libérée. Dans la limite des stocks disponibles. Détails en magasin et sur nocibé.fr. Parce que chez Castorama, on sait qu'il n'y a pas de saison pour refaire le sol de sa maison. On a décidé qu'à partir de maintenant, les sols de qualité à prix bas, c'est tous les jours. Comme le stratifié Gladstone 8 mm d'épaisseur, disponible en 4 décors, facile à poser et garanti 20 ans, au prix baissé de 9,99€ le mètre carré. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. Castorama. C'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas. 19,94€ la botte de 1,996 mètre carré. Prix baissé en cours d'année, valable jusqu'au 31 décembre 2018. Voir conditions en magasin ou sur castorama.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est la soirée d'Inès qui change. Avec le plateau de fruits de mer au tourteau pour deux personnes à seulement 20 euros. 20 euros Inès. Tu sens l'odeur de la mer ? Bien sûr que non, c'est un spot radio. Par contre, avec ce plateau chez toi, t'y seras à la mer. Jusqu'à demain, vos magasins Auchan proposent le plateau de fruits de mer au tourteau pour deux personnes à seulement 20 euros. Et votre soirée change. Auchan. Fabriqué en France. 1,3 kg, soit 15,38€ le kilo. Voir composition détaillée et origine en magasin. Salut, moi c'est Geoffroy, Geoffroy de Canard. Je suis très frileux, surtout du porte-monnaie. Alors quand vient l'hiver et que je sais qu'il faut que j'entretienne ma voiture, ça me glace le sang. Heureusement, chez Citroën, grâce au forfait avantage, la révision de mon véhicule de plus de 3 ans est à partir de 119€ seulement. Sinon, en plus, ils font aussi un bilan hiver gratuit. Bref, deux offres comme celle-là, fouette canard, ça réchauffe le cœur. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers valable jusqu'au 28 février dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Avec les cadeaux Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi avec Orange, je vais réussir toutes mes photos de Noël grâce au Samsung Galaxy A9 et ses 4 capteurs photo. Et ben moi avec Orange et le Galaxy A9 avec son objectif grand angle, toute ma famille va rentrer dans les photos de Noël. Mais moi avec Orange, je peux m'offrir le Galaxy A9 avec ou sans abonnement. Attends, t'es pas chez Orange ? Faut vraiment qu'on parle. Hein. Pour Noël, offrez-vous le dernier Samsung Galaxy A9 en série limitée et en exclusivité chez Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange, édition limitée. Et en exclusivité chez Orange jusqu'au 31 janvier 2019. Détails et tarifs en boutique et sur orange.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec tous les podcasts Énergie. Énergie, hit music only. Sephora. C'est Black Friday avant l'heure chez Sephora et c'est complètement dingue. Dès maintenant, profitez d'une sélection de produits Sephora Collection à partir de moins 50%. Des produits irrésistibles à prix mini à offrir à ceux que vous aimez. À commencer par vous. Et pour vos fêtes de fin d'année, Sephora vous offre moins 30% sur les parfums et coffrets parfums. Vous avez bien entendu, moins 30%. Mais ce n'est que jusqu'au 26 novembre. Voir conditions en magasin et sur sephora.fr. Sephora, au